Retro Nouveau. Salut tout le monde et bienvenue à ce 17e épisode de Rétro Nouveau. Je suis Pierre Lapointe. Ça va bien, Dominique? Oui, ça va bien, Pierre, toi? Oui! Et toi, camarade Nicolas, comment vas-tu? Ça va super, Pierre. Et toi, Jean-François, qu'est-ce qui se passe à la technique? Tout va bien jusqu'à maintenant. Nous aucun problème. Super! Oui. C'est fantastique. Fait que bienvenue. Oui, bienvenue tout le monde. Ouais, là, je suis de retour. Qu'entends-je? C'est de la musique oh live. Mon Dieu. Wow. Mais voyons donc. Non, mais c'est ça. Ceux-là qui l'écoutent en différé, vous n'allez pas voir la différence. Mais pour ceux qui l'écoutent live, on met la musique de background. C'est pendant le show, à cette heure. Mais premièrement, les micros de la console rentrent dans le live maintenant. Fait que c'est déjà un gros plus. La musique en plus. Ouais. Regardez-moi cette belle qualité d'image en ce moment. Oui. Plus clair. Plus crisp. Il y a quand même pas mal de contraste au niveau du chandail à Bruno. Là. Ouais, mais tout est une question de où est-ce qu'on positionne les néons. Mais quand même, le nouveau logiciel, c'est comme Photoshop, on peut jouer avec les settings. Ben, on sent qu'il y a eu du travail, beaucoup d'heures de mis dans tout ça. Ouais, Bruno, enlève ça, ce guenille-là. Ça prend une petite musique. Ouais, mais pendant que Bruno se déshabille, moi, je voulais faire trois affaires. J'ai trois choses à dire. Premièrement, merci beaucoup à Alexandre Morancy, qui nous a donné une 24, les boys, de délicieuse. Juste moi qui en bois. Moi, la bière gratis. Parce que Bruno, il y avait sa bière qu'il fallait qu'il finisse. Ouais, j'avais ma bière crème, elle a un mois, cette bière-là. Ben, il faut bien ça, que ça finisse. Mais ça va passer, ça, c'est clair. Donc, Alex Morancy nous a donné une 24 de Slimane Original Draught. C'était écœurant, ça. Merci, man. Alex, qui est un gars qui vient aux soirées Papa Cassette et qui se bat férocement contre Élie Rodrigue pour mettre son nom sur le barn. Donc, SNP, c'est lui, ça. C'est Sean Paul. C'est ça, pseudonyme. Fait que c'est ça, il m'achète des jeux aussi. Super gentil. Ah ouais. Puis merci beaucoup, Alex. Très, très, très apprécié. Yes, man, merci. Aujourd'hui, à la boutique est venu un dénommé Michel Bélanger. Il était super content. Il est venu avec un de ses chums de Rimouski qui était en ville. Là. Fait que il nous écoute. Il était super content de voir la place et tout ça. Puis il a même pris un selfie avec moi. Une photo avec moi. Hey, nice. J'étais comme « wow ». C'est une vedette, man. Fait qu'il a dit qu'il serait content qu'on le nomme, puis je l'aurais nommé pareil anyway. Ouais. Fait que merci, Michel, de nous écouter, puis merci d'être passé. Super gentil. Yeah. Et pour finir, Jeff, t'es allé à Québec. Oui, tout à fait. Oui. T'es allé ramasser... J'ai fait des commissions pour Papa Cassette. Exact. Mon ami Gilles Kelly de la boutique Jeux Rétro Revo. Oui, belle boutique à Québec d'ailleurs. Allez faire un tour si vous êtes dans le coin. Là. Totalement, totalement. Une place qui vaut la peine. C'est bien propre. Ah oui, c'est propre. Gilles, il est propre. C'est propre dans son commerce. En plus, il s'achète des arcades, lui, à cette heure. Il est rendu à trois machines. Il y avait deux, trois bornes dans le fond de son petit commerce. Ah, c'est bien, oui. Fait que, c'est ça, il avait reçu un lot Atari, puis j'avais vu un jeu que je voulais absolument, fait qu'il me l'a gardé, JF est allé le chercher. Il m'a reconnu, fait que je le salue. Et voilà, on salue Gilles, et puis Gilles Kelly Machine, et puis un grand merci. Salut Gilles. Salut Gilles. Fait que c'est tout les boys, c'est tout ce que j'aurais à dire. Hey, c'est fantastique. Voulez-vous qu'on parte ça d'un jeu dessus? Allons-y, dans le feu de l'action. Let's go. Direct. Hey, moi, rapidement, là, j'aimerais ça dire au monde, jouer à Fat Princess sur iOS. J'ai mis ça sur le Facebook de Rétro Nouveau. Je suis tout le temps là-dessus, man. Ça n'a pas d'allure. C'est comme mon meilleur jeu à un doigt présentement. Mais tu sais, c'est les genres de jeux de rangée de diamants, toute la kit. Je me souviens pas c'est quoi le terme de ce jeu-là. Bejeweled. C'est comme un Bejeweled, Mais tu sais, parce qu'il y en a un autre qui va sortir aussi de Nintendo. C'est genre Dragons and... Puzzle and Dragons, exactement. C'est le même genre, en fait. Okay. Tout le monde se lance dans cette affaire-là, puis il y a une tonne de microtransactions. Oh. Et dans celui-là, il est gratuit, mais t'es pas obligé de payer pour gagner puis pour réussir. Oh, tu vas juste farmer comme un malade. Mais Fat Princess, c'était pas un Tower Defense? Ben oui, c'était un genre de Tower Defense. Ouais. Exact, c'était un Tower Defense. Ils ont fait un jeu de Bejeweled avec ça? Oui. Ah ouais. C'est un spin-off avec la franchise, j'imagine. Oui, un spin-off avec la franchise. Puis ce que j'aime, justement, Sony s'en vont dans le mobile quand même. Puis, ils réussissent à faire un bon jeu pareil, tu sais. Comme ce jeu-là, il est disponible sur PS Vita aussi. Okay. Mais sur PS Vita, comme... La façon que c'est disposé, l'écran, ça sert à rien de jouer à ça sur PS Vita. D'après moi, c'est mieux sur téléphone. Puis on peut jouer aussi sur PS3. Ce qui est le fun, c'est que sur le téléphone, à un moment donné, tu passes un tableau, ça te donne un coupon. Là, le coupon, c'est écrit « Coupon disponible pour télécharger la version PS3 gratuitement ». OK. Fait que c'est génial. Fait que c'est... Promo cross-média. Mmh. Ouais, promo cross-média. Mais je trouve ça magnifique, sérieusement, qu'il se passe des choses comme ça sur nos téléphones. J'aimerais ça que Nintendo embarque là-dedans aussi. Ben, il y a un jeu Pokémon à iOS. Je sais pas si vous l'avez essayé. Oui, mais c'est de Pokémon Company. Oui, ouais, tout à fait. Mais, fait que tu sais, c'est... mais oui, il est, puis, il est c'est bien pour les enfants. C'est quand même assez le fun, honnêtement. Moi, c'était un bon... Ah, t'as joué pour toi? J'ai joué pour moi dans le métro. Okay. Honnêtement, là, j'étais en quête constante de jeux de iOS dans le métro. Ouais. Puis c'était, moi, j'ai bien aimé ça. Okay. Tu sais, c'est comme... je suis d'accord que ça peut-être s'apparenter à un jeu pour enfants. Là, mais... Ouais, ben ma fille, moi, elle capote là-dessus. Ouais, mais c'est agréable. Si vous avez du temps à tuer, là, ouais. J'aimais mieux jouer à ça que de crocher des bonbons, disons. Là, ouais. Que... Mais Street Fighter, Puzzle Fighter, là, ça ressemble à ça? Oui, ça ressemble à ça. C'est dans le même genre. Ça doit exister sur iOS, ça aussi. Je sais pas, honnêtement. Oui, ça j'ai existe sur iOS, Puzzle Fighter. Ouais. Ouais, oui, hein. Ça existe sur iOS, mais les parts des jeux de Capcom sur iOS... Castlevania aussi, là, d'ailleurs. C'est Cap... ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Non, c'est, comme c'est... Mega Man 2 là-dessus, là. Ouais. Ouf. Moi, j'avais essayé le... Non, mais moi, je te parle de jeux de Bijou. Ouais, des jeux de Bijou dans le genre, là. Mega Man 2, Bijou, ouais. Même moi, j'ai downloadé celui-là de... Ben, je pense que c'est pour ça que tu disais Castlevania. Ouais. Ouais, c'est ça, le jeu de Castlevania de Bijou. Non, je l'ai downloadé, moi, c'est de la vraie merde, là. C'est, ouais, c'est épouvantable. En plus, c'est comme un jeu de. Un vieux jeu. Fait que là, t'arrives sur ton téléphone, puis sur les nouveaux téléphones, t'es comme dans un encadré au centre de ton téléphone. Ouais, ça fait même pas pleine résolution, ça. Ouais, chier, là. Arrêtons de parler de ça. Ouais, hein. Colin. Il y en a un Street Fighter sur iOS, c'est Street Fighter Puzzle Spirits. Ah, ça doit être un genre de... iOS et Android. C'est voilà. Clair que je vais checker ça. Ou sinon, on peut aller voir sur papacassette.com. J'allais au PlayStation 1. Puis ah il vaut vraiment la peine, celui-là, par exemple. Il est vraiment le fun. Un de mes setups préférés, c'est jouer dans le métro au PS1. Ah, ouais, c'est ça. C'est une expérience que j'aime, tu sais. Exact. Non, mais... Ben, y a la version SG aussi pour PS3 360 qui est bonne. Oui, c'était bien. Je voyais du monde jouer à ça au Funzo. Ouais. Non, mais il y a des pros à ça, là. Du monde qui roule vite en maudit. Moi, je vois rien, là. Je suis pas capable. Rit, là, mais... Tabarnak! Qui commence? Ben, vous avez chacun un jeu. Oui, on a un jeu commun qu'on a joué ensemble, moi, puis Nicolas, à distance. Commencez par ça, puis moi, je vais faire mes deux jeux après. All right. Fait que... Le jeu, tu veux entendre? Ben, tu sais, le jeu qu'on fait ensemble, je pense. Ah, attends, on va-tu le voir comme... Ouais, attends, passe-moi. Montez à l'écran plus proche. Là. Pour les gens du podcast, désolé, podcast audio, bien. Vous devez voir l'image. Ouais. On dira pas le titre. Non. Pendant tout le long, on va voir le monde. Attends que j'essaie de le tenir droit. Là. Okay, voilà. Non, en fait, ce qu'on a joué, c'est Kirby and the Rainbow Curse, qui est dans le fond le dernier jeu de Kirby sur Wii U. Ça vient de sortir, c'est tout récent. Puis, la grande particularité que ce jeu-là a, direct en partant, c'est son look. C'est son livret! Je vais le montrer à l'écran! Les nouveaux livrets! C'est un safety. Ne mettez pas le disque dans votre bouche. C'est tellement triste, ça. Oh boy. Vas-y, la particularité. Un gros downer. Non, c'est ça. En fait, ce que c'est que c'est un jeu qui est entièrement fait en plastine. Bon, évidemment, ils l'ont pas fait entièrement en plastine, sauf que on voit quand même qu'il y a une certaine technique qui a été faite en 3D pour simuler le c'est un look, d'argile, de plastine. Ouais. Tu sais, c'est... Honnêtement, je joue à ça, puis c'est comme, hey, voici une version vraiment mieux faite de Clay Fighter. Là, c'est comme Clay Fighter. Ouais. Hey, d'ailleurs, je pitch ça de même, mais il y a quelqu'un qui veut ramener Clay Fighter, supposément. J'ai vu ça passer, OK. Ouais. J'ai jamais été un fan de ça, sérieux. Moi non plus, je sais pas pourquoi. Moi, j'avais bien aimé. C'était, c'était bien, là, mais tu sais, en tout cas, Pit Fighter. c'est ça. Fait que là-dedans, en fait, ça commence, puis t'es dans ton village, dans ta ville. En fait, c'est la... À Dreamland. Ouais, c'est pas Dreamland, là, c'est Popstar. OK. C'est Popstar... Attends une minute, je l'avais la... Il me semble que c'est ça, c'est Popstar. Puis, en fait, là-dedans, il faut que tu utilises ton stylet pour pouvoir guider Kirby. Parce que quand ça arrive au début, il n'y a plus de couleurs nulle part dans le monde. Puis il y a des espèces de grosses mains diaboliques qui ont enlevé toute la couleur. Toi, tu dois remettre la couleur là-dedans. Ouais. Mais c'est drôle qu'on dise ça, que tu dois remettre la couleur dans le pays parce que tous les tableaux sont extrêmement colorés. Il y a une ou deux zones grises, tu sais, où ton stylet ne fonctionne pas. Mais à part, j'ai trouvé ça très drôle, ça, pour le côté narratif. Je me suis dit comme, ça va être comme The Blob un peu, mais non, pas du tout. Tout est extrêmement coloré, direct en partant, comme on aime, en fait. Ouais, on joue à des jeux de Nintendo pour ça aussi. Mais c'est ça, en fait, on joue entièrement avec le gamepad pour le jeu. Qu'il faut c'est qu'il faut tracer des lignes comme ça. Ben, c'est comme, je pense, c'est totalement Mass Attack en passant, ce jeu-là. Ben, c'est comme le fils spirituel de Canva Curse, en fait, qui était au DS, qui est sorti en 2006. Ah. Fait que c'est vraiment, imaginez ça, mais. Tu faisais des lignes de même partout. Ouais. Fait que version Wii U, là. Parce que Mass Attack aussi, tu faisais des tracés avec ton stylet. Ouais, mais t'avais. Sauf que t'avais pas juste ça. T'avais plein de petits Kirby, là. C'est ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un feeling. Moi, j'ai trouvé très, très mobile, DS, 3DS dans ce jeu-là. Tu sais. Ah, vraiment? Ça m'a fait un peu drôle au départ de jouer à ce jeu-là. Puis c'est pas un jeu, à mon avis, que tu prends la manette la première fois puis tu fais comme « Hmm, c'est génial! » Ça prend un certain temps quand même à s'habituer parce que si ton Kirby est par terre, il avance pas, il fait absolument rien. Ouais. Il faut que tu tapes dessus pour qu'il puisse avancer. Puis une fois qu'il est avancé, tu le fais monter sur ces cordes-là puis tout ça. Puis le tracé est pas infini là, quand même. Ouais, là, tu fais du tracé, mais tu as quand même une jauge qui fait que ça va redescendre, ça va descendre. Puis si tu es dans le vide, à un moment donné, tu vas tomber dans un trou. Ouais. Il faut que tu tombes sur une surface plate, en fait, pour régénérer pour retomber à ça, ton jauge. Ouais. C'est comme si c'est en fait, de l'encre de ton pinceau que tu vas utiliser. Là. Ça, c'est... moi, j'ai trouvé ça bien fait, en fait. Oui. Ce jeu-là, par contre, tu sais, je m'attendais un peu à un autre feeling, je dirais. Puis quand je l'ai pris, t'as raison, après ma barre, c'est pas un jeu vraiment facile, tu sais. Il faut que tu fasses un cheminement mental, que tu te dises, OK, là, ce jeu-là, là, je regarderai plus jamais le gros écran. Je vais checker mon gamepad. Ben, c'est ça, donne ça. Rien, tu sais. C'est ma plus grosse déception de ce jeu-là, sérieusement, là, c'est que t'as un jeu qui est incroyablement magnifique. Ah, possiblement les couleurs le plus beau superbe, jeu de Wii U. Ça sert à captiver tes enfants ça, dans la TV pendant que toi, tu joues du game. Moi, au départ, je me servais, je me disais, bon, non. Fait que là, j'ouvrais ma TV, je mettais le volume sur ma TV, puis je jouais sur mon gamepad, puis je l'avais en background, je me disais, pendant un cutscene peut-être. Puis là, j'ai fini par fermer la TV, puis à faire le jeu là-dessus parce que je trouvais ça complètement inutile, puis au moins ma femme pouvait écouter d'autres choses pendant ce temps-là. Ouais. Mais par contre, dans ce jeu-là, je vais revenir au reste de la campagne plus tard, mais il y a un multijoueur. Okay. Et le multijoueur de ce jeu-là est fantastique, sérieusement. Là, c'est avec un des meilleurs multijoueurs. Ben, c'est ça, c'est avec une Wiimote. Ben, en fait, c'est que moi, j'ai joué avec mes enfants, avec mes deux enfants, donc avec mon petit gars de 3 ans, ma fille de 6 ans. Puis, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il y en a un qui fait les tracés. Puis les deux autres, ils ont les espèces de petits personnages qu'on voyait au début avec des petits casques et des lances. C'est Bandana D, en fait. C'est son nom, là. Bandana D, avec la lance, le bandeau. C'est lui que je prenais à Return to Dreamland. Mais il est vraiment cool. Il est très cool comme personnage. Ouais, il a des skills là, d'attaque assez féroces. Mais c'est ça, ce qui est le fun, c'est que les autres personnages, il peut y avoir 3 autres personnes qui se joignent à toi. Puis ils font ça de façon platformer. Ouais. Il y a des contrôles traditionnels aussi, là, tu sais. Ouais, exact. C'est vraiment avec la manette de Wii, là. C'est ça, bien en main, là. C'est la manette, c'est la même affaire que jouer à un platformer classique. Ouais. Fait que c'est le fun, eux autres peuvent jouer de cette façon-là, puis ils peuvent t'aider en battant des ennemis, puis toi, tu peux continuer avec ta ligne, justement, puis à tracer, à faire des trajets, puis eux autres vont sauter là-dessus puis vont t'aider. Des fois, ça peut te nuire, par exemple, parce que à certains moments, justement, eux autres, ils vont avoir un autre objectif, comme, mettons, dans un boss, à un moment donné, il fallait qu'ils m'aident à aller plus vite. Puis ça m'amusait parce qu'en fait, eux autres pesaient sur le bouton, puis mon bonhomme partait tout seul, puis je mourrais tout de suite, tu sais. Fait que ça peut être frustrant, mais... Franchement, Bruno, comment t'élèves tes enfants? Ouais, vraiment. C'est sérieux, je me sens assez fâché après mes jeunes. Ça paraît que tes enfants vont pas dans une école privée, man. Ça paraît que tu payes pas 5 000$ par année pour les envoyer dans une guenille d'école publique. C'est vrai, ça. Ça catche pas rien. Moutadine. J'ai raté ma vie. C'est fini. C'est fini à partir de ce temps-là. Oh, Lynn. Bon, ce commentaire social de Dominique Bourret... Non, mais non, c'est ça. En fait, pour retourner à la campagne, la campagne, est, ça prend du temps quand même avant de catcher puis de triper parce que c'est pas les contrôles traditionnels. Mais une fois que tu t'y fais, il y a des moments dans le jeu que c'est de la pure magie puis c'est vraiment génial parce que... C'est fluide. Oui, puis ton bonhomme prend un élan puis là, tu te promènes un peu partout puis tu fais comme « Je suis tellement bon! » Puis, il y a des moments où tu as vraiment justement un momentum important puis ton personnage va vite puis ça va bien puis c'est le fun. Il y a aussi des bons designs de niveau parfois. Mm-hmm. Fait que ça, c'est le fun. Il y a des transformations aussi. Oui, ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est comme j'ai vu ça comme un intermède. Tu sais, tu joues au jeu, mais là, t'es comme, c'est difficile de jouer. Puis comme t'as dit, Bruno, il y a une courbe d'apprentissage assez sévère. Oui. Mais une fois que tu l'as, ça va bien. Oui. Mais ces petites pauses-là, tu sais, comme à un moment donné, Kirby devient un tank. Tu peux devenir un sous-marin, une fusée, tu sais. Comme dans les Pignons. Oui, très semblable à quand tu étais le camion pompier, par exemple. Aussi dans... C'est pas mal la même chose. T'as une ligne que tu traverses, puis là, tu deviens... Mais les contrôles, cette fois-là, sont encore avec le stylet. Ouais. Mais différent, puis c'est vraiment le fun. T'sais, comme, t'as un sentiment de... C'est un tout autre personnage, là, t'sais, de la façon dont ça fonctionne. Ça fait du bien, parce qu'au moment où ça arrive, ils savent quand même, ils testent le jeu. Ouais. Ils savent qu'à ce moment-là, c'est un peu écœuré. Exact, c'est ça. C'est fort. Ton intérêt diminue. Ah, un petit bonus. C'est comme, ça fait un bout de faire la même affaire. Oh, un tank! Fait que là, tu continues à tracer, puis ça guide les tirs, en fait. Fait que ça devient intéressant. Puis aussi, tu peux taper à l'écran quand t'as le tank pour tirer tes ennemis. Fait que c'est le fun, ça devient un genre de shooter. Si tu charges longtemps, comme au lieu de rouler, là, Kirby envoie une espèce de barrage de roquettes. Là. C'est vraiment, vraiment fou. Là. Ça, c'est vraiment des belles touches. Là. Tu as raison. C'est parce que ça brise le rythme qui aurait été quand même plus monotone si ça, c'était pas là. Là, c'est ça. Mm-hmm. Puis c'est en fait, c'est ça, ce jeu-là. Je trouve ça dommage quand même. Tu sais, même après y avoir joué, puis j'ai vraiment aimé le jeu, mais je regarde le jeu après y avoir joué, puis je suis comme... Ah, j'aimerais ça que ça soit un platformer classique, tu sais. Ouais. Parce que justement, avec le look and feel du jeu, je me dis, ça aurait tellement été le fun, tu sais. Puis je comprends les tracés et tout, puis j'ai aimé ça. Mais j'ai eu des petites sessions de jeu. J'ai pas eu des grosses sessions. C'est pas un jeu qui est très long non plus. Ouais, ouais. C'est un jeu qui va durer environ, ça va peut-être prendre 5 heures, 6 heures à finir, tu sais. Puis il y a des défis aussi, il y a des figurines à débarrer, tu sais. Mais c'est pas un jeu qui est très long. C'est pas un jeu non plus qui est fait pour nous autres. C'est un jeu qui est fait pour les enfants à la base. Ben moi, j'ai trouvé qu'il y avait un certain... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un degré de difficulté sur certains boss. Les boss. Ouais. Les boss, pas les tableaux. Exact. Les tableaux se font super bien. T'sais, honnêtement, ça a été... Je trouve ça relaxant comme expérience. Les tableaux, tu sais, une fois que t'as pogné un contrôle, c'est vraiment bien. Mais ça le tableau dans les airs, mon gars... Quand tu es dans le vide puis qu'il faut que tu sautes, faut que tu arrives à sauter sur des nuages. Ouais. Sinon ta barre se remplit pas. Là, quand tu sautes sur un nuage, il revole. Puis là, faut que tu fasses une autre ligne, puis ça finit plus, puis ça devient vraiment super complexe. Il y a des niveaux où ça se fait. Mais les boss, comme tu dis, là... Ouais, moi, le deuxième boss particulièrement, là, une espèce de roue là, dans un espèce d'enclos, il est difficile. Le jeu, j'ai honte de dire ça, mais le jeu va t'offrir à un moment donné de le passer, tu sais. Ouais. Mais comme tout bon gamer entêté, c'est « Non, je vais pas le prendre! » C'est comme le tanuki blanc de Mario, là. Mais là, eux, ils t'offrent tout simplement « Veux-tu passer le tableau? » Veux-tu passer la scène? C'est comme « Non! » Puis remonte-moi les puces, cette affaire-là, tu sais. Mais honnêtement, c'était vraiment... c'est bien, tu sais, c'est à part les boss, mais les boss, c'est bon qu'ils soient là parce qu'ils donnent un challenge pour si t'es un gamer, tu dis bon, t'as une journée stressante au bureau, tu te pars un monde, tu vas avoir une belle expérience douce relativement, puis à la fin t'as le boss qui va donner un petit challenge. C'est vrai. Deux secondes. Ouais. Entendez-vous la musique en background? C'est la musique de boss. C'est vrai! Ça marche! La musique de boss à contrôle. Ah, ben ouais. Mais justement... Continuez. Je trouvais ça magique. C'est vrai que c'est magique. Le boss de la fin, c'est un des boss les plus tough que j'ai eu j'ai à faire dans ma carrière encore, de gamer. Que... Tant que ça? Ouais. Oui! Puis il est le fun. Il est vraiment hardcore. Ben d'ailleurs, j'ai l'impression que. T'as jamais joué à Radiant Silver Gun jusqu'à. Ben oui, j'ai joué à Radiant Silver Gun. Mais non, pas jusqu'à la fin, par exemple. Je l'ai essayé au chalet, mais. Ah, c'est vrai. Juste une fois au chalet. Mais non, c'est ça. Mais le boss de la fin, j'ai l'impression que le public cible, ça va les faire pleurer. Vraiment, ça. Les enfants vont capoter. Donne-moi une pucelle au papa. Ouais, mais attends, quand j'étais enfant, il y avait, j'aurais Non, non, mais nous autres, on l'a eu. On jouait à des jeux pas mal plus tard. C'est ça, on l'a eu. Quand j'étais enfant, on pleurait aussi. Oui, mais eux autres, ils ont le Mario blanc qui vole partout. Ben non, c'est ça. Pas pareil. S'ils pleurent aujourd'hui, nous, sérieux. Encore, école publique. Hashtag école publique. Hashtag école publique. Pour le prochain. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a plus d'échecs. Maintenant, tu fais au boss, tu pleures. On n'a pas tous des ristounes des jardins comme toi. Ben même. Non, c'est ça. Ouais. Moi, c'est l'école privée, mur à mur. 7 000 $ à maternelle, puis tout. La grosse vie. Ah, oh boy. Fait que, ouais. Somme toute, moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Mais c'est ça. J'étais content de découvrir le multijoueur. Ouais. Sans le multijoueur, je donnerais une note plus basse. Okay. Mais je sais pas, étais-tu prêt à donner la note, Nicolas? Ouais, mais moi, j'avais juste une dernière chose que j'aimerais mentionner. J'ai eu un feeling à un moment donné des Sonic classiques. La musique. Ouais, c'est Shredder. Ça marche. Non, mais ça marche tellement avec les propos. Ah, c'est ça. Moi, j'ai vraiment. J'ai eu une petite nostalgie. Là. Il y a des tableaux, tu sais, de la façon dont tu peux les jouer. Ça ressemble vraiment beaucoup à du Sonic. Oui. Premièrement, comme tu as mentionné, quand tu tapes sur Kirby, il roule. Oui. C'est toi-même qui traces tes traces. Fait que ça, c'était rapide, ouais, c'était bien. Mais c'était un spin dash. Ouais, exact. C'est vraiment la même affaire. Fait que, ça, c'est... Moi, j'ai trouvé que c'était un des points forts de ces contrôles-là qui, au début, me plaisaient pas tant que ça. Ouais. Mais tu sais, ça prend vraiment, justement, là, finir au moins le premier monde là, pour au moins avoir l'espèce de nouvelle façon de faire. Puis une fois que tu as compris tout ça... Là, après ça, c'est intéressant. Mais c'est que, encore une fois, comme les autres Kirby, là, je le réalise pendant que tu le dis, c'est que les Kirby, moi, ce que j'aime, c'est que Kirby, ça peut être un jeu que tu joues de deux façons. Tu peux jouer vraiment bien basic puis faire juste la base du personnage ou tu peux apprendre tous les mouvements super intéressants. Ouais. Tu peux le finir des deux façons, mais il y a quand même plus de profondeur au jeu que ça laisse paraître en premier lieu. Là-dedans aussi, tu sais, comme avec les courbes, tu peux finir par faire spinner ton personnage, mais en fait, il peut monter sur une courbe, tu en fais un autre après, puis il finit par faire des zigzags comme ça, puis aller super vite, puis à frapper tous les personnages. Parce que tu peux juste frapper les personnages, en fait, quand il fait un spin. Exact. Chose qu'on n'a pas mentionné. Fait que ça devient compliqué quand même. Si ton bonhomme, il est juste là, attends, s'il y a un bonhomme qui revole dessus, ça marche plus, tu sais. Puis à la fin aussi, il y a des espèces de petites maps. Il va falloir que tu te fasses un trajet. Puis il y a plein de belles petites idées dans ce jeu-là qui fait que le jeu est intéressant. Mais moi, c'est ça. Ce que j'allais dire, en fait, c'est que si le multijoueur était pas là, je donnerais pas une bonne note. Bien, je donnerais une note correcte. Mais avec le multijoueur, moi, le multijoueur, je trouve que ça a changé le jeu complètement. Ouais. Parce que c'est comme jouer à autre chose en multijoueur. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé le fun. C'était pas... Moi, quand ils l'ont annoncé, en fait, je m'attendais genre à un peu à un point and click. Là. Je m'attendais à ce que les jeunes y aient leur Wiimote puis qu'ils tapent sur des ennemis en pesant sur le piton A, puis ça finit là. Ouais. Mais c'est un platformer. C'est ce que tu veux que ce soit, en fait, si t'es pas satisfait du tracé. Ben c'est comme, vas-y, mon grand, tu l'as, ton platformer, là, arrête de chialer. Fait que ça, c'est génial qu'ils aient pensé à ça. Fait que moi, pour cette raison, je lui donne un 4 étoiles sur 5. Okay. J'ai vraiment aimé ça. Toi, tu lui donnerais quelle note? Moi, j'avais donné un 3.5 étoiles sur 5. Oh! Parce que, tout simplement, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais j'ai pas aimé le fait que... je l'ai essayé en multijoueur, je suis d'accord avec toi. Ça amène vraiment quelque chose au jeu. Je vous recommande de jouer en multijoueur. Mais en solo, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience plus que j'aurais pris sur ma 3DS. Une expérience que sur la Wii U, totalement. T'sais. Parce que c'est un très beau jeu, j'aurais aimé pouvoir voir plus. Ouais. C'est juste cet aspect-là. Le fun est là, tout est là. T'sais, c'est vraiment que j'étais rivé sur mon gamepad tout long. Puis c'est ça que j'ai trouvé un peu moins intéressant. C'est pour vrai. Moi, tu sais, j'aime beaucoup la franchise Kirby. C'est un très bon jeu, mais cet aspect-là a fait que, tu sais, comme tu as dit, c'est plus des plus courtes sessions en tant que tel que d'être bien évaché dans ton divan à regarder un grand écran. Là. Puis ce qui est surprenant, en fait, parce que le dernier Kirby qu'on a eu de Nintendo, par rapport à celui-là, tu sais, j'aurais fait un Switch, en fait. J'aurais aimé ce Kirby-là sur 3DS. Mm-hmm. Puis j'aurais aimé... C'était quoi? C'était... voyons, Colin. En tout cas, le dernier Kirby qui est sorti sur 3DS, qui était même dans mon top de 2014, fait que c'est assez bête que je me souvienne pas du titre. Mais j'ai vraiment aimé ce Kirby-là. J'aurais aimé ça qu'il soit sur Wii U, parce que justement, c'est un platformer classique avec bien de la profondeur. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'en tout cas, c'est quand même un bon jeu. Si vous avez une Wii U, c'est quelque chose à vous procurer. Il y a du plaisir à avoir, surtout en multijoueur. Puis il est 40$. Sérieusement. Ah, OK. Parce qu'à 80 ou 60, j'aurais dit C'est ça. C'est moi, c'est considérant toutes ces affaires-là, je me suis dit... à 40$ en effet. Là, il est 40$. Puis on t'en offre quand même pas mal pour 40$. C'est quand même... une belle expérience avec bien des affaires à découvrir. Le multijoueur est super intéressant. C'est vraiment là, mes enfants, c'est le jeu. Ils veulent juste jouer à ça. Ouais. Fait que c'est un hit au niveau des enfants. Fait que ça, c'est une mission réussie quand même. Mais pour un joueur hardcore qui joue juste en solo, c'est peut-être pas une aussi bonne expérience que le reste. Ouais, d'accord. Le Kirby que tu cherchais, c'est Triple Deluxe. Ah, c'est ouais, ça. Ouais. Merci à Mario dans la chat room. Yes, merci Mario, man. Je vais enchaîner avec un autre shmup au Dreamcast. Étrangement, je l'ai fait un il n'y a pas longtemps. Puis j'en fais un autre drette là. Là, je suis pas sûr de la prononciation. C'est Giga Wing. Mais on dit-tu Giga Wing? Non, on dit Giga Wing. Mais on dit Gigabit. Gigabit. Gigabit. Pourquoi on dit Gigabit? Ça dépend. Gigabyte. À quelle partie est-ce que t'es allé? Tu dis Mario Bros? Ben, ouais, à cause de mon mauvais parler. Tu peux dire Gigabit. Ouais. Mais en tout cas... Appelle ça Giga Wings. Giga Wing. Giga Wings. Moi, j'appelle ça Giga Wing, man. Puis j'ai acquis ça à la dernière réunion du CCJVQ de Dominique Jean-Aubin. Merci beaucoup, il m'a fait un bon prix. Je peux pas vous parler de ce jeu-là sans parler des compagnies. Tout d'abord, la compagnie Toplan, qui ont fait Tiger Heli, Sky Shark, les trucs Stone, Zero Wing au Genesis, pour la fameuse quote « All your base are belong to us ». Batsugan, GF, et puis Snow Brothers aussi, étrangement, qui est pas un jeu. C'est eux autres qui ont fait ça. Puis là, Toplan, qui était quand même légendaire, ont fait banqueroute. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont tout bu le cash, je sais pas. Dans un izakaya japonais, ça s'est dilapidé. Ça s'est divisé en plusieurs compagnies, dont les deux plus importantes, Cave, qu'on connaît pour Dodonpachi, Esp Galuda, puis Death Smiles. Cave, c'est comme... C'est le Bullet Hell. Ouais. Toplan, Bullet Hell. Cave, sont comme poussés à fond là-dedans. Là, puis l'autre compagnie, c'est Takumi. Donc, ils ont fait Twin Cobra, Mars Matrix au Dreamcast aussi, et la série des Giga Wing. Donc, quand on parle de Giga Wing, on parle de Toplan, Cave, on parle de, du même ambiance de Bullet Hell. Ça paraît dans le jeu. Ça paraît totalement. Vraiment. Ça, c'est genre, quand tu tues des ennemis, ils se transforment en grosses affaires en or qui descendent dans l'écran puis tu les ramasses pour avoir des points. C'est aussi un jeu qui essaie de te ramasser dans un racoin en te tirant plein de balles, tu sais, comme tu meurs. C'est également un jeu de grosses bombes, là, tu sais. Tu ramasses tes power-ups, là, t'en as plein, c'est beau. Puis ta grosse bombe, elle balaye tout l'écran, tu t'en sers quand t'es mal pris. Puis si tu meurs, tu perds tes power-ups qui flottent dans les airs, tu retournes les chercher. Tout ça, c'est très cave, tu sais, c'est très ce style-là. Ouais. Ben c'est pas pire parce que ça va pas trop vite. Non, il va pas trop vite. Moi et JF, on a même eu le temps de le faire ici, ça a même tantôt avant le show. L'enregistrement, ouais. Je l'avais déjà fait la semaine passée ou il y a deux semaines avec Michael. Puis là, je l'ai fait encore. Puis je dois dire que le port de la Dreamcast est vraiment très bon. Hein? La musique, on l'entend très bien. C'est aussi bon que l'arcade. Là. Moi, j'ai adoré. Mais ça se pourrait que peut-être que le hardware d'arcade, c'était la machine Naomi, là, qui était dans le fond un Dreamcast de luxe. Ah, ah oui? Fait que c'est très possible. Parce qu'il y avait beaucoup de jeux à l'époque qui sortaient sur le système Naomi. OK. Puis qui était comme dans le fond un Dreamcast, mais vraiment juste un peu boosté pour des specs d'arcade. Là. Ah, ben ça se peut très bien, ça. On apprend des affaires. C'est solide. Puis, ce qu'il y a de spécial dans ce jeu-là, ce qui le différencie, tu sais, les shmups sont tous pareils, sauf qu'il y en a qui ont des twists. Moi, quand je parlais de Ikaruga, c'est la twist que tu changes de couleur. Ben là-dedans, la petite twist, c'est que tu fais un reflect. Okay. Genre, tu gardes ton doigt sur le bouton de fire, puis t'as comme un. C'est un shield qui réfléchit les balles, en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, quand t'es mal pris, tu l'actives en faisant ça. Puis ça renvoie les balles sur l'ennemi, puis ça fait très, très, très mal. Puis t'as une jauge en bas qui le consomme, dans le fond. Faut que t'attendes que ça se recharge. Fait que t'es tout le temps en train de checker avec ton reflect puis tes grosses bombes là, pour te sortir de la merde dans le jeu, là. Et puis... c'est dur, le reflect, parce qu'il n'est pas automatique. Il n'est pas automatique. Faut que tu le tiennes pour qu'il s'active. Ça te prend une seconde et demie, à peu près. Deux secondes, faut que tu y penses. Faut que tu prévois être dans le caca très bientôt. Tu te dis, ah, calisse, dans deux secondes, je vais mourir. Fait que je pars mon reflect. Dieu sait que t'es dans le caca souvent dans des shmups de même. Ah oui, t'es surtout dans le caca, en fait. Puis il y a 6 niveaux là-dedans. Il y a des personnages qui sont le fun. Il y a 4 personnages. Il y a une nonne là-dedans. OK. Tu sais, Cave aussi, ils ont beaucoup de personnages un peu fuckés dans leur shmup. Donc là-dedans, il y a une nonne. Tu sais, les autres, c'est assez régulier. Mais ça, c'était le fun. Je trouvais ça amusant. Les backgrounds, les niveaux, c'est quand même diversifié. Plus que t'avances, à un moment donné, t'es rendu comme dans un niveau... ça devient comme temple maya qui flotte dans les airs. Okay. Puis ils aimaient ça, les mayas, dans ce temps-là. Les mayas, l'Égypte, tout ça. Ouais, il y en avait vraiment beaucoup dans les schmops. Oui, c'est vrai là. Qu'ils en ont mis dans les schmops de ça. Mais celui-là, il n'est pas Égypte all over, là, même très peu. Mais il y a une, comme une évolution vers le mythisme de maya. ça, j'ai trouvé ça le fun. Mais quoi que, bien sûr, c'est un schmop. La nonne. Oui, la nonne est là. Fait que c'est quand même un petit peu répétitif. Mais quand même, c'est appréciable. Puis c'est plus facile de vivre là-dedans que dans Batsu. Gun, là. Sérieux, tu sais, t'as plus d'espace, tu meurs un peu moins. Je le trouve pas intimidant. Non, il est moins intimidant. Parce c'est, que Ikaruga, c'est bon, ça, merci. Mais c'est ça, parce que Ikaruga ou des jeux comme ça, je veux dire, tu regardes quelqu'un jouer et tu fais comme ouais, non, on va aller jouer à Pouyan. C'est ça, c'est quand même, je veux dire, c'est approchable. Là. C'est, ouais, tu dis, je peux m'essayer. M'essayer. Ben aussi, l'avantage de celui-là, c'est que sur Dreamcast, tu as des crédits limités. OK. Fait que si tu le finis, ben tu vas le finir parce que tu as des crédits tout le temps. Ouais, ça, c'est le fun, tu sais. Ouais. Sérieux, parce que sérieux, moi, j'ai jamais assez de talent pour finir un shmup avec genre les deux les deux continues qu'ils te donnent, tu sais. C'est impossible, là. Tu sais, c'est du par cœur, tu joues tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est le fun maintenant, jouer un shmup. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, jouer un shmup à l'arcade, jouer justement à 1942 ou un jeu comme ça. Ouais, c'est ça. Ça me faisait chier. Ça, ah, ça, c'est les, dur, c'est les dur. Parties duraient 3 minutes. C'était comme 4 payes de camelot de suite que tu brûlais. Tu étais au camelot 4. Là, comme, oh, ah non, t'as c'était pas le fait par exprès, Colin. Ouais. Mais ça marchait pas. Ce qu'il y a de plate là-dedans, par exemple, c'est que si tu veux voir la vraie fin sur console, il faut que tu le passes avec un crédit seulement. Même si t'en as toujours. Ah, ben fait que j'ai jamais vu la fin de ma personnage fille chaud, rouge de feu. Je pense que YouTube pourrait sûrement t'aider. Bon, c'est pas grave, là. Tu disais que les elle autres personnages. Pas tout nu, de toute façon. Mais tu disais que les autres personnages étaient normaux, là. Tu viens de dire que t'avais une fille chat rouge. Ouais, ben non, elle est juste. Les cheveux spiky, rouges. Ah, okay, okay. Son attaque spéciale. Tu sais, la nonne est comme blanche et bleue. Oh, fait que son attaque spéciale, sa bombe, c'est de la glace. Ben, elle, c'est du feu. Okay. Puis il y a un autre ninja dude, là. C'est quoi son attaque? C'est des éclairs. Puis il y a un autre vieux chaff avec comme du métal dans la face. lui, c'était pas intéressant. C'est une grosse bouche qui ouvre dans le milieu, comme un aspirateur. Ouais. Crime, je trouve que c'est le plus cool. Là, ce que t'as à date. Ouais, c'est pas intéressant. Ouais, mais non, c'est pas badass. Mais c'est mon personnage, j'aimais le moins, lui, en fait. Là, j'ai pas aimé partout. J'aimais bien la fille Colin. De feu. Elle était bien cool. Ouais. Donc, j'ai beaucoup. Ah, nice. C'est beau. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Puis j'aime le refaire. Il est accessible, comme tu dis. Mm-hmm. Puis, quand même. Non, c'est un très bel ajout. C'est US en passant. Hein, donc, c'est US. Ça a été, c'est fait par Capcom. OK. Excusez, c'est publié par Capcom. Ouais. Bon, c'est donc, ça. C'est Cave qui est derrière ça. Takumi. Non, c'est Takumi. Donc, c'est disponible ici aux alentours de 50$, je dirais. OK, quand même. Quand même. Ben, c'est pas donné, mais pour un shmup, c'est très bien. C'est un bon prix. Les shmups prennent tellement de valeur. Donc, j'ai adoré mon expérience. Puis, c'est un beau bullet hell de toute cette belle gang-là de Cave, de Top Lane, tout ça. Tu sais, ça va dans la famille. Donc, je donne un beau 4 à ça. J'ai beaucoup aimé ça. Ah, okay. Vraiment cool. Pis si vous voulez l'essayer, ben venez dans les soirées Papa Cassette, on l'a dans même. Yeah! T'sais, j'avais avec la musique des Tiny Toons. Excusez, c'est tout nouveau, là. On s'émerveille à toutes les 30 secondes. La musique pendant qu'on parle. Des enfants avec un nouveau jouet. Mais ça fait depuis le début qu'il y a de la musique dans Rétro Nouveau, mais c'est la première jamais fois. Jamais quand on enregistre. C'est la post-production. Hey, que ça vous voyez donne... jamais. Non, mais ça donne tellement de jus, là. Mais moi, j'écoute. Oh, yes! Cette tune-là est tellement hot. Ah, vraiment, là. Fait que c'est qui le prochain? C'est encore toi, il me semble. Ah, je l'ai fait. Ah, vous avez fini. Ben non, mais en fait, Nick tu peux faire. Moi, j'en ai un autre. Nick, ouais, fais le tien, Nick, je vais finir le prochain. Ben oui. Bon. Ben oui. On va ben oui. Ben oui, fais ça, mon noir. Fais ça. Do it. Do it, do it. Do it, do it. J'enlève mon nom. Do it. Allez, fais-le. Just do it. Donc, là, ce qui se passe, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Hands of Fate. Oui. C'est un jeu qui est disponible les mains sur du destin. Ouais, la plateforme, c'est PS4, Xbox One, PC sur Steam aussi. Oui. Donc, ce jeu-là, le développeur et l'éditeur, c'est Defiant Development. C'est un studio indépendant australien. Puis grosso modo, ça, c'est côté T pour adolescents. C'est un projet Kickstarter, faut le mentionner, parce qu'il est important. J'en parlais un petit peu plus tard, là, mais ça a été un des premiers Kickstarter, je dirais, d'Australie, genre. Fait que, il s'est financé quand même assez rapidement. Genre de jeu, c'est là que ça devient twisté. C'était comme une espèce de... J'arrivais pas à le comprendre. C'est un jeu de table virtuelle incluant un jeu de cartes avec mélangé avec un action RPG. OK? T'as okay. tellement de courage de jouer à ça. Sérieux, là. Ben, je regarde ça et je me dis... Donc, en là, fait, j'allais proposer à Nicolas, puis... Ouais. Ben, moi, j'ai accepté. Un code pour ça? T'as accepté. J'ai accepté. Oui, on a reçu un code. Avec beaucoup de joie. Je dis pas que c'est de la merde, mais je trouve que ça a l'air volumineux comme apprentissage. Ben, dis, on est loin de Archon, là, au NES. Ouais. Ben, tu sais, j'étais bien excité de jouer à ce jeu-là. Où, oui. J'avais très hâte au niveau de ce que j'avais vu au niveau des previews. Puis là, oui. Bon. Je commençais à jouer un peu, puis la première fois que je me suis aperçu, c'est que ça n'a rien à voir avec Hearthstone. Là, comme, okay. comme jeu de cartes, c'est pas ça du tout. Là, vraiment, le jeu de cartes prend pas le dessus. Ben, oui, mais différemment. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jeu-là, la façon dont ça fonctionne, tu commences ton jeu, puis tu as comme un maître du jeu. Okay? C'est comme okay. un Dungeon Master pour ceux qui ont joué à Donjons et Dragons à l'époque. Là. Mais là, lui, dans le fond, il est assis en face de toi, puis c'est un dude avec des cartes. Là. Mais okay. il t'explique un peu comment ça marche. Dans le fond, comment ça marche, c'est que tu as un deck de cartes que lui, il choisit des cartes là-dedans. Puis des fois, il en rajoute une ou deux de son cru personnel. Là, il les met sur la table, OK? Puis à partir de ce moment-là, toi, ben, tu vas avancer sur ces cartes-là, comme sur un échiquier, dans le fond. OK. Puis de la façon dont les cartes sont disposées, des fois, il y a des tableaux qui sont obligatoires. C'est comme sur le chemin critique pour aller battre le boss. OK. Puis il y en a qui sont juste, mettons, facultatifs. Tu sais pas il est où le boss, fait qu'il faut que tu explores les cartes parce qu'elles sont toutes retournées d'un côté. OK. Puis quand tu tournes une carte, ben dans le fond, il y a un événement qui se produit. Les événements, ça peut être un genre de dialogue, tu rencontres un personnage X, tu sais comme par exemple, tu peux rencontrer il y a un genre de gobelin dans une taverne, puis là il dit parle, tu dis est-ce que je peux t'aider, puis là il va te donner des choses en fonction de ta réponse, tu sais. Okay. Ça, c'est intéressant. Ça ressemble quasiment à un livre dont vous êtes les héros là, de l'époque. Là, ouais, vraiment, il y a une série de... C'est du dialogue écrit avec une image. Puis là, ça dit, voici des choix. T'sais. Fait que là, tu le fais, puis OK, c'est correct. Les autres options que tu peux avoir, c'est... tu peux avoir, bien sûr, des combats où tu peux pogner un marchand. T'sais. Le marchand, il y a plusieurs types de marchands là-dedans, mais c'est une carte que tu tournes. Là, tu dis, ah, tu peux aller acheter au marchand, tu sais. Fait que ça, dans le fond, c'est la prémisse. Donc, tout ce que tu fais sur l'échiquier, tu sais, c'est vraiment bouger ton personnage sur les cartes. Puis en fonction des cartes, ça détermine c'est quoi la prochaine, mettons, étape. Au niveau de... C'est quoi, bon, les combats, tu sais. Fait que là, les combats, ça, c'est quelque chose très, très... Ça ressemble ça à Diablo? Ça ressemble pas à Diablo. Ils disent que ça ressemble à Diablo, mais dans le fond, c'est quoi? T'es comme dans un donjon, mais très limité, OK? OK. T'apparais là-dedans. Il y a un petit moment, là, ça load, tu sais. Puis. Ouais. Comme là, je pense, là, en fait. Ouais, exactement ça. Là, ça load, puis là, ils donnent les cartes de ton équipement. C'est quand même le fun, ça. OK. Puis là, tu commences à battre du monde. Mais les arénas sont tous très, très. Petits. Puis les combats sont pas très dynamiques. T'sais, on regarde les ennemis, là, ils prennent leur temps. Tu cours, un slash. Exact. Tu cours, un slash. Au début, tu n'as pas tant de pouvoir à t'apporter. Donc, tu peux donner un coup de bouclier. Tu peux faire une espèce de roulade. Tu peux donner un coup d'épée. Puis tu peux bloquer. Okay. Puis là, c'est un peu la base. Les ennemis sont lents. Il y en a un peu partout. Il faut vraiment faire attention à comment tu donnes des coups. Mais c'est pas dynamique. Okay. C'est pas des combats. C'est pas comme si vous avez joué à des action RPG modernes. Okay? Ouais. Tu sais, je veux dire, mettons The Witcher ou tu vas aller avec Dragon Age, tu sais. Tu vas avoir quelque chose d'un peu plus dynamique que ça, ce que ça peut t'offrir. Tu sais. Une autre chose, au niveau des animations du personnage, sont pas super fluides. Tu sais, c'est pas tight là, comme contrôle. Tu sais. Ouais. Et même à un moment donné, ça s'en va dans des directions où tu te dis crime. Ça ressemble quasiment à un beat'em up. Tu penses quasiment que tu es en train de jouer, mettons, un genre de God of War, mais version vraiment. Slow motion. Slow motion, puis. C'est ça que ça me fait penser. Un peu moins garni, tu sais. Fait que là, tu as des tableaux qui sont du combat. Il y en a que c'est comme des espèces de labyrinthes, tu sais. Puis les ennemis, ben, y a une certaine variété, mais il n'y en a pas tant que ça, tu sais. Fait que grosso modo, ben, là, tu essaies de grinder au travers de tes cartes pour. Tu fais quelques combats, puis à un moment donné, tu arrives au boss. Le boss, c'est toujours un combat. Le boss, c'est une carte X. Puis quand tu le bats, ça te donne. Soit des armes ou de l'armure. T'sais. Comme tout bon RPG, là, comme ils sont mentionnés, ben, tu peux accumuler de l'armure, des armes, de l'or. Okay. Il y a une des ressources que tu as qui est de la nourriture. C'est ça qui te permet de bouger d'une carte à l'autre. Donc, ça consomme un point de nourriture quand tu bouges. Puis tu as du HP, là, de l'énergie, si on veut. Là. Mais t'as-tu senti que les cartes étaient... C'était juste comme une excuse pour amener quelque chose de nouveau ou ça amenait vraiment quelque chose d'intéressant? Moi, je trouve qu'on dirait que c'est le contraire. Ouais, ben tu sais, je veux dire... Les cartes sont intéressantes, mais comme... Ben, le jeu de combat, le combat je vais ramener... ça, là, c'est... Tu regardes ça, puis si, mettons, tu prends un peu de recul, tu dis, ouais, c'est un pur projet Kickstarter. Oui. Sur papier, ben, cette affaire-là, c'est huge, ça a l'air malade. C'est huge, là, exact, pour un Kickstarter. Oui, mais c'est quand même une belle réalisation, là, je dois dire. Mais, non, c'est ça. Mais là, sur papier, tu dis, ça a l'air malade, toutes ces features-là. Mm-hmm. Wow, tabletop, des cartes, je monte mon deck, je fais du combat, ça va être malade. Oui. Mais à force de faire un peu tout ça, je pense qu'ils n'ont pas été capables de bien exécuter l'ensemble. Tu te rends compte que ton flow de jeu est très, très lent. Okay? Mm-hmm. C'est comme pas rapide. Dit, bon dans tout, mais meilleur dans rien. Ouais, tu pourrais dire ça, en effet. Je pense que c'est une belle formulation pour ça. Fait que, puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est pas du tout dynamique, c'est lent. C'est très, très lent comme flow de jeu. Puis, tu sais, quand tu pognes une carte de combat, ben, y a un loading. Le loading, un certain temps. Tu peux skipper les animations du début, mais là, ça reste. Tu t'arènes dans une toute petite arena qui prend pas tant de temps, mettons une minute ou deux. Puis là, t'arrives, puis ça coupe. Après ça, là, tu reviens au deck, puis là, après ça, tu reprends des cartes. Fait que... Puis les cartes, à un moment donné, tu en reçois des nouvelles, tu débloques des choses. T'sais. Une des cartes qui est la plus le fun, en fait, c'est les gobelins, qui sont un calque 100% des nains dans Golden Axe. Okay. Là, ils arrivent, ils piquent ton argent, ils ont des poches d'or. Puis toi, tu dois les, c'est cool, les battre. Là. Mais tu sais, c'est pas les battre comme les kicker à Golden Axe. T'es massacre dans ce jeu-là. Ouais. C'est un coup d'épée. Là, ils réalisent le fantasme. Jusqu'à temps qu'ils bougent plus. Ça, c'est un très beau clin d'œil. Ça, pour moi, c'est le moment le plus fort du jeu. Là, je dirais. Ouais. Okay. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Fait que... Après ça, ben, y a des niveaux de progression. Fait que, tu sais, y a comme un deck de cartes au début que tu choisis pour ton expérience. Ouais. À chaque fois que tu fais 3 decks de cartes, t'as comme un upgrade de ton personnage. Puis il y a des nouveaux ennemis qui deviennent de plus en plus forts. T'as des nouveaux mondes, des nouveaux ennemis. Tu reçois des nouvelles habiletés. Comme à un moment donné, t'as un genre d'espèce de dagger qui va dans toutes les directions. Okay. Là, tu commences à utiliser les triggers. Mais en gros, tu sais, ça, c'est comme... Je vois qu'il y a comme un type de jeu de plateforme. Ouais, ce que vous voyez à l'écran, c'est un genre de labyrinthe là, qui fait du dommage. Là, ouais, mais c'est pas très dynamique, c'est pas rapide. Ça a l'air facile, c'est bout-là. C'est facile, mais en même temps, tu sais, tu te dis, je vais aller bien vite, puis il faut vraiment que tu prennes ton temps. C'est encore une fois un beat de jeu très, très lent. Puis... En tout cas, moi je dis j'ai. Fait qu'en fait, ça serait. C'est ça. C'est un jeu qui a peut-être été rushé ou qui est trop ambitieux, en fait. Ouais, je pense qu'il est trop ambitieux. Il y en a pris trop, tu sais. Puis comme une des affaires que je trouve qui est très important dans un jeu de rôle, surtout que ça, tu sais, tu dis t'as un genre de dungeon master, c'est supposé être immersif. Tu peux pas personnaliser ton personnage. Tu reçois un gars, c'est lui. Oui? Ouais. Fait que tu sais, je me dis au niveau de la fantasy du RPG, j'aurais pensé qu'il aurait essayé d'aller chercher ce genre de fan-là. Mais tu sais, ça, c'est pas là non plus, tu sais. Okay. Fait que au niveau des points forts, je peux dire l'originalité du jeu, là, tu sais, elle est là. Ben, c'est des bonnes idées. Il y a aucun jeu, exactement, c'est des bonnes idées. Il y a aucun jeu qui fait ça présentement. Là. C'est vraiment un mélange intéressant, différent. Par contre, ce qui est, tu sais, le tutoriel, rapidement tu rentres dans le jeu. C'est pas aussi complexe que ça en a l'air. Tu peux monter un deck aussi de cartes pour savoir ça va être quoi un peu ton expérience. Ça, c'est quelque chose d'intéressant où tu peux personnaliser ton expérience, mais ça reste quand même assez redondant, vraiment pas assez dynamique. J'ai trouvé que le flow du jeu, pour moi, ça m'ennuyait là, à un moment donné. Puis quand tu refais ton deck au début, surtout avec certaines cartes, tu sais, t'es déjà vu, t'es encore, puis c'est les mêmes affaires. Ouais, ouais. Puis il y a ça, puis tu sais, je dirais vraiment, là, ils sont un peu perdus à essayer de faire trop de choses. Okay. Ils auraient dû se concentrer sur peut-être un ou deux aspects. Mais dans le fond, pour toutes ces raisons, moi, je donne une note de 2.5 sur 5. C'est un jeu moyen. Je pense que c'est un jeu très, très niche qui va plaire à vraiment un joueur très, très particulier. Si vous êtes des gens là, qui aimaient vraiment les Donjons et Dragons, si vous êtes des gens qui ou trippaient sur Magic the Gathering et aimaient aussi les RPG d'action, il est possible que vous trouviez votre compte dans ce jeu-là. Pour ma part, moi, j'ai trouvé que je suis resté un peu sur mon appétit. Je dirais que peut-être s'il y aurait Hands of Fate 2, puis qui corrigeait certains des petits problèmes ce jeu-là. Peut-être que ça serait une meilleure offre, mais tel que le jeu est présentement, c'est pas mon genre de jeu. Puis même si j'ai essayé de me mettre dans le bain, je trouve que c'est un jeu qui... que, par rapport à tout ce qu'on trouve présentement sur le marché, là, ouais. C'est un jeu PS4, Steam... Ça aussi, c'est un jeu Xbox quand même, One, c'est un jeu à 20$. Là, c'est pas un, mm-hmm. c'est pas un petit jeu ouais. à 10$. Là, ça, ça a l'air d'être un gros jeu. Ben, c'est même. Ça, c'est un, y a du contenu, ça. Ça, y a rien à dire. Il y a du contenu, il y a des ennemis. Il ouais. y a des ennemis qui, en apparence, sont variés. Ils ont des attaques mm-hmm. un peu plus variées. Mais c'est une question d'investissement de votre temps. Et si vous êtes un genre de joueur qui aimait quelque chose d'assez rapide, fast-paced, c'est pas un type de jeu pour vous. Okay. Ce jeu-là va plaire vraiment, comme j'ai dit, à une petite portion de la population. Ouais. Si vous reconnaissez dans la direction que j'ai faite, allez acheter ce jeu-là. Mais si vous aimez quelque chose d'un peu plus rapide, je dirais, concentrez-vous sur des titres là, plus traditionnels au niveau action RPG. Exact. Il y a deux questions dans la chatroom pour toi, Nick. Jean-Luc veut savoir, est-ce que tu contrôles la caméra dans le jeu? Non, mais j'ai pas trouvé que la caméra était un problème parce que comme les arénas sont tellement petites, c'est une vue un peu semi-isométrique third person en fait. Ouais. Puis ça va bien, on voit vraiment bien là, tout ce qui se passe là. Ça c'est aucun problème au niveau de la caméra. Mais comme je dis, tu sais, c'est peut-être pour ça que des gens, j'ai regardé un peu certaines reviews qui ont comparé ça à Diablo, mais pas du tout là. Tu sais, c'est vraiment, c'est juste que la caméra elle est fixe. Ou avec le personnage, mais non, on la contrôle pas. Il demande aussi si l'histoire varie selon le deck que tu pognes dans le jeu. Oui, ben en fait, c'est pas vraiment l'histoire qui varie. T'sais, ultimement, t'sais, ton but, c'est de battre tous les decks de cartes pour battre le boss de la fin, qui est un peu le Dungeon Master, si on veut. Mais ton expérience de jeu va varier en fonction... Tu pourrais prendre le même boss... mettons, intermédiaire, le deck de cartes, puis toi, tu montes ton deck différemment, puis ça va être une expérience différente. Mais différente, on s'entend, en fonction des cartes que toi, tu possèdes. Okay, okay. Ouais, c'est ça, tu peux accumuler des nouvelles cartes. Ça, c'est quelque chose que tu vas avoir. Mais c'est juste, à un moment donné, t'as fait le tour, là, puis tu sais, c'est comme... les cartes se ressemblent même s'ils sont différentes des ouais, fois. Okay, ouais. Tu sais, c'est comme j'ai dit, vraiment, c'est un jeu très niche. Il y a on des gens qui vont apprécier, mais pour moi... On peut saluer l'effort quand même. Oui, oui, écoute, c'est pas des, pis, y a pas c'est une un studio de... indépendant. Ben, c'est ça, quelque chose de quand même une belle réalisation, tu sais. Mais pour moi, c'est vraiment le beat du jeu qui était pas assez dynamique. D'un début. Pardon. Bon, bien joué. C'est à mon tour, yes. Le dernier jeu. Oui. Je vais enchaîner avec Skate or Die Tour de Trash. Oh my God, le jeu de Game Boy en noir et blanc. Le jeu de Game Boy. J'adore deux... le sous-titre de ça, Tour de Trash. Ouais. C'est pas The Tour of Trash, c'est Tour de Trash. Il y a deux Skate or Die au Game Boy. Il y a Bad and Rad puis Tour de Trash. Deux jeux très différents. Bad and Rad, c'est un genre de platformer. Tellement difficile, là. Ouais. C'est dur. J'ai essayé. Ouais, j'en ai braillé des choses. Je l'avais quand j'étais kid. Puis Tour de Trash, dans le fond, c'est un jeu. Il est fait par EA. Puis il est beaucoup, beaucoup, beaucoup basé sur Skate or Die 2 et sur Ski or Die qu'il y a eu au NES. Parlant de Skate or Die 2, je voulais faire un petit clin d'œil. Il y a un documentaire sur le black metal qui est paru en 2012 qui révèle que le skater qu'il y a sur la pochette de Skate or Die 2, c'est Jeff Whitehead du band Leviathan. Aïe! C'est tellement drôle! Ça va faire plaisir à Seb Brutal qui est dans le chatroom en ce moment, ça. C'est ben oui, Seb, ben, imagine. Il doit, toi, tu connais ça, Seb aussi, vous connaissez Leviathan, ça, certainement. Fait que je suis content de voir qu'il y a une identité sur ce personnage-là que j'ai tout le temps regardé, tu sais. Il est en train de faire un genre de move là, dans un centre d'achat. Fait que voilà, c'était très intéressant. Puis Tour de Trash, pour revenir à ça, est un jeu qui a été commandité par Santa Cruz Skateboard. OK. Donc, je me souviens pas d'un jeu qui a été commandité par un vrai label de skate. Puis Santa Cruz, dans le temps, c'était pas de la merde, là. C'était un vrai cool. California Game, Santa Cruz était un des commanditaires. Ah oui? Mm-hmm. Ah, ils sont actifs, coudonc. Ils ont aussi... ils ont vu clair. Mm-hmm. Mais qui d'autre? Mais c'était dans le temps que c'était big aussi, skate, ouais, avec Kawasaki, la Thrasher Magazine, puis tout ça. Kawasaki, OP. OP était un des commanditaires aussi. Océan Pacifique. Là. Ah, Océan Pacifique. Ouais, ouais. Ah, c'était vive le pastel. C'est ça. Mais moi, Santa Cruz, dans le temps, c'était hot. J'ai même eu un deck Jaya Bonderov, man, que j'ai ridé très longtemps avant qu'il pète en deux. Wow. C'était un Ever Slick. Tu sais, en dessous, là, avant, on mettait des... pour quand tu faisais un rail slide... des barres de plastique. Des barres de plastique. À un moment donné, ils ont enlevé ça, puis ils ont mis tout le dessous du deck avec une petite couche de plastique. Oui. Ça, c'était un slick, là, un slick deck. Puis ça allait bien. Mais après ça, ils ont juste laissé tomber ça, puis tout en bois, là, tu sais. Fait que tu scrapais ton beau dessin en dessous, tout de suite. En tout cas. Donc, aussi, je veux mentionner la musique de Tour de Trash a été faite par Rob Hubbard, je sais pas comment le dire, avec un H, qui est un dude qui a travaillé pour EA pas mal, qui a fait de la musique pour de l'Amiga, Atari SD, IBM, puis le Mega Drive. Donc, le soundtrack de Skate or Die au Commodore 64 aussi, ça, c'est son, c'est sa signature. Okay. Il y a une signature très, très niche. C'est vraiment c'est son, là, avec guitare. Tu sais, dans Skate or Die 2, Skate or Die, avec la da-da-da-da-da, la grosse git, là. Ça, c'est tout lui, ça. C'est vraiment cool. Il a travaillé aussi sur Road Rash. Entre autres. Vive Road Rash. Puis, c'est ça, dans Tour de Trash, t'as deux sortes de gameplay. T'as le freestyle qui reprend totalement la rampe de skate qu'il y a dans Skate or Die 2. Okay. C'est qu'on voit à l'écran présentement. Ah ouais. C'est exactement la même affaire, les mêmes tricks, les mêmes trucs. C'est pareil. Donc, rien à ajouter. C'est très bien fait, d'ailleurs, ce niveau-là. Je te dirais qu'il est aussi bien fait que la version NES. Ouais. C'est pas comme ralenti ou whatever. C'est égal. Ouais, parce que c'est souvent ça sur le Game Boy. On dirait que tout est lent. Exact. C'est ça qui m'énerve. Ouais. Mais non, la vitesse est là. Puis c'est super bien fait. J'ai pas trouvé une différence qui m'a marqué. Donc, j'ai eu beaucoup plaisir avec ce niveau-là. Puis l'autre niveau, c'est le Steelfish Tour. Donc ça reprend un peu la mécanique du half-pipe dans Ski or Die, qui est un genre de tube infini, tu descends, là, tu sais. Sauf que là-dedans, t'as des obstacles, des murs, tu sais. OK. Il faut que t'évites. Mettons un mur dans le bas, qu'il faut que tu sautes par-dessus, un mur à gauche, fait qu'il faut que tu tasses à droite. Puis des fois, le mur, il fait presque tout l'espace du pipe, sauf un coin en haut à droite ou un coin en haut à gauche. Donc, il faut que tu te positionnes aux bonnes places puis que tu sautes dans ce trou-là pour continuer ton chemin. Okay. Fait que t'as du temps pour le faire, puis tu peux slammer dans le mur, tu meurs pas, mais tu perds du temps. Fait que faut que tu finisses ta distance avec ton temps, se termine. Tu peux aussi jumper sur les côtés pour attraper des étoiles qui vont te redonner du temps, mais il n'y a pas de tricks à faire dans ce niveau-là. Il n'y a rien. Là. C'est juste une course de downhill pure. Peux-tu la gagner? Ben, tu la gagnes si tu la réussis. Tu vois, à droite, là, 62, 61, ça, c'est la distance que tu as à faire. Puis là, à gauche, c'est le temps que tu as pour la faire. Remarque que ça s'appelle Tour de Trash, en fait, parce que tu fais le tour du monde, c'est ça? Tu fais le tour du monde dans le Steelfish Tour, man. Il y a plein de villes, dont Los Angeles, Las Vegas. Il y a des affaires un peu plus weird aussi. Terrebonne? Terrebonne n'est pas là. Calique. Non. Carignan, pas là. Lévis, Beauport, Carrefour-les-Saules, il n'y a rien de ça. Venez dans Québec, es-tu là? Non, il n'y a pas ça. Non, pourtant, les beaux skateparks. Ouais. Non, mais il y a quand même Tchernobyl, entre autres. Quoi? C'est un peu bizarre. Sérieux? Hein? Bagdad. Ah, mais c'est punk, man. Bagdad. Puis, tu sais, avant de commencer chaque niveau, l'Esther, là, c'est le genre de punk, le cheveu mauve qui est dans Skate or Die 2, là, il t'écrit un texte, là, il dit « Hey, man, y'a trop cool, Bagdad, yo, ils ont des pipes d'huile, attention au gaz, tu vas être buzzé, yo! » Puis, tu sais, il parle tellement radical de ces années-là. Ces textes-là, man, ils sont tordants. Ils sont, à la limite, quasiment gênants. Pour les gens qui viennent de Bagdad. C'est comme, oh boy. Imagine s'il y avait le niveau Montréal. Ouais. C'était comme, oh yo man, smoke meat. Ça serait comme dégueulasse. Sirop d'érable dans ta face. Poutine. Ah ouais. Poutine. Fait que c'est un petit peu dégradant, tu sais. Dans l'anime. Puis c'est ça. Donc, combien de niveaux, je me rappelle plus. Il y en a pas mal une dizaine. Ouais. OK. C'est pas très difficile. Le seul niveau que j'ai pas réussi à passer à ma première game et le dernier, donc Atlantis. Okay. Puis c'est ça. Mais tous les niveaux sont pareils, sauf qu'ils font juste te sacrer des murs tout de suite après une curve. Ouais. Fait que c'est ça qui devient plus en plus dur. Ouais. Ah, aussi, j'ai oublié de dire, à chaque début de niveau, t'as une petite toune qui fit avec le niveau, tu sais. Okay. Fait que, je sais pas, moi, Los Angeles, c'est de la git. Yeah, yeah. Quand t'es à Bagdad, c'est comme la genre de musique arabe, tu sais. Ça, encore une fois, c'est légèrement dégradant. Tu sais, au Canada, ça serait comme Nickelback. Là. Fait que c'est ça. C'est règle plein d'affaires des années 80. C'était quoi, 90, j'imagine, à peu près, ce jeu-là? Ah, je sais pas, j'ai pas regardé début ça. Début 90, je pense. Probablement. Aïe. Fait que c'est ça. Donc, c'est pas spécial. T'sais, c'est tout le temps. C'est répétitif, ouais. Mais j'ai trouvé ça le fun à faire pareil. Puis la musique, encore une fois, est écœurante. Elle reprend la musique des autres Skate or Die. Ouais. Donc, c'est encore la même signature musicale. C'est super, super bon. Puis, mais il n'y a rien qui se passe dans ces niveaux-là. Il faut juste comme pas te slammer. Puis quand tu finis le jeu, ben là, Lester, man, il est cool. Il est comme, yeah! T'as même Ronnie qui revient. Le vrai Ronnie? Le vrai Ronnie, celui qui est dans le premier Skate or Die. Ouais, qui est dans le vieux, là. Ouais. Puis qui est dans le 2 aussi, qui que genre, tu y achètes des affaires avec des tacos, là, ouais. Il mange, lui, là. T'as même la chick dans Skate or Die 2 aussi, que quand t'es game over, elle dit « Ah, oh, yo, dude, t'es pas bon. » Mais quand tu finis, t'es comme « Ah, oh, radical, dude! » Là, c'est ta chick, elle est contente. Je pense qu'elle a même pas de nom, elle. Aïe, j'ai essayé aïe. De trouver son nom, je l'ai pas trouvé. Non. Mais c'est un jeu où... je jouais à ça avec mon cousin quand j'étais petit. Il l'avait, tu sais, puis j'y avais emprunté, ouais. Puis je capotais, là, tu sais, j'adorais ce jeu-là. Puis là, je l'ai retrouvé finalement sur eBay, tu sais, GJ Games. Mais il coûte cher, ce jeu-là, non, je me trompe. Non, non, sérieux, 10$. Ah ouais, OK. Ça coûte rien. C'est que j'ai comme allumé que je pouvais le trouver facilement, puis je l'ai acheté. Okay. J'ai eu du fun, Chris. Ah ouais. Je trouvais ça ben le fun. Sorti en 91, le jeu. En 91? Juin 91. Ah, c'est ça. Fait que si vous aimez la série Skate or Die, lui, il en fait... très, très parti. Là. C'est comme la ouais. suite de Skate or Die 2 d'une certaine façon. Bad and Rad, c'est autre chose. Excusez. Mais c'est pas un jeu innovateur. Ouais. Que, parce que ça fait juste répéter les mécaniques des autres Skate or Die, puis que le niveau, le Steelfish Tour, il aurait pu rajouter des affaires. T'aurais pu faire des tricks là-dedans. Il aurait pu comme pleuvoir ouais. des trucs, écraser des affaires, acheter des power-ups, je sais pas. Il y a rien c'est de ça. Tout ça. Donc c'est assez simple. T'sais, fait que pour ces raisons-là, je vais y donner un 3. C'est un bon ouais. jeu. C'est bien correct. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'aime ouais, la série. Il m'a coûté 10$ en plus. Il m'a coûté 10$. La pochette est cool aussi. Ouais. Un genre de gros skate avec des stickers en dessous qui grind la terre. Ben, j'aimais beaucoup la typo. Puis la typo puis les illustrations de ces pochettes-là là, sont écœurantes. Ça, c'est la pochette Skate or Die. C'est écrit avec des comme des colures de journaux puis de magazines. Ouais. Un peu là, comme des lettres de rançon. Là, un peu, là. Ah ouais. Non, c'est le tour de trash qui est écrit comme en pointu. Ouais, exact. Cool. Fait que, une belle acquisition pour le genre. Moi, j'étais un grand fan, fait que j'adorais ouais. ça. Bon. Puis même nice. Si vous n'êtes pas fan, il y a de quoi à faire avec ce jeu-là aussi. Ça va vous procurer du plaisir. Et puis c'est ça qu'on cherche. Génial. Oui. Alors voilà. Ah. Est-ce en vente sur papacassette.com? Malheureusement pas, parce qu'il est très dur à trouver, je trouve. C'est ça. Malgré qu'il vaut pas cher, ça, je l'ai jamais vu nulle part. Eh oui. Ouais. Calme. Mais il y a beaucoup de jeux de Game Boy, il y en a des centaines et des centaines et ouais, des centaines. C'est ça. Quand t'en cherches un précisément, tu vas pas nécessairement le trouver au pawn shop du coin. Là. Shit. Hein. Mm. Fait que c'est tout. Bon. Ouais. On s'en va en pause. On s'en va en pause, à moins que GF, tu voulais dire. Les fun chose, facts hein? Après la pause. Oh, après la pause. Ouais. Stay Parfait. Tuned. On attend ça. Et deux discussions. Yes. À tout de suite. À bientôt. Il te faudrait un thème des fun facts. Oui, tout à fait. Fun ah, c'est vrai. Il y a un fan musicien qui veut nous faire un thème de fun fact, allez-y. Là, non, on va pogner de quoi puis on va libre mettre de soundboard. Ah, ça pourrait être on du va mettre sur la machine. Moi, j'aime ça partir avec Mega Man. Ouais, hein. C'est tellement. Ah fun. Non, Mega Man s'en va. Mega Man part, nous, on revient. Ça donne aussi ça, la musique. Des petits moments de tristesse. Mais c'est ça. C'est... Ouais, j'avoue. Hein. C'est ça qui a fait dans le temps, Mega Man. Il est parti. Il est parti. Il est parti, puis on l'a plus jamais revu. Il est plus revenu. Non! Caline. Ah. Fun fact. Trois petits fun facts encore aujourd'hui. Sur Shadow Man, c'est parfait. Ouais. Premièrement, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, qui était à Montréal il y a quelques semaines, ouais. est un fan fini de Tetris, apparemment. Puis ça a l'air qu'il a tellement soumis de high scores au Nintendo Powers qu'ils ont arrêté de le publier. Ouais. Finalement, il a fini par changer son nom pour Evets Kenzov, qui est Steve Wozniak écrit à l'envers. Ah, ça me dit de quoi ça? Ça passe. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà vu ça dans un documentaire ou quelque chose. Ça me dit vraiment de quoi? Possible. C'est cool ça. Deuxième fun fact, celui-là, je le dis sous toute réserve parce que je suis pas certain de ma source, mais en tout cas, Donkey Kong aurait été l'animal de compagnie de Mario Bros. Puis Mario Bros en aurait abusé. Ouais. Fait que c'est pour ça que plus tard, pour se venger de ses traitements, Donkey Kong kidnappe la princesse qui est la blonde de Mario. J'ai lu ça aussi, moi, avec il kidnappe Pauline, dans le fond. C'est ça. C'est la vengeance. Wow, ouais. C'est ça qui est à l'origine du beef entre Mario et Donkey Kong. C'est que Mario le maltraitait. C'est un trou de cul. C'est vraiment pas fin. Aucun sens. C'est vraiment ça. Mario Bros, un plombier qui a un gorille comme animal de compagnie, puis il bat, tu sais. Ouais, mais c'était même pas un plombier dans le temps. C'était c'était un menuisier. Un menuisier, c'est pas un menuisier sur un chantier de la construction. Ça explique le gros marteau. Ouais, exactement. Les gars de la construction, ça serait un ranch. Ça vous donne pas plus un free pass pour battre des animaux, d'ailleurs. Non, non, on n'a pas le droit de faire ça. Surtout pas des gorilles. Non. À part les chats, je peux-tu battre les chats? Non, tu ne peux pas. Je déteste les chats. Puis, dernier fun fact aujourd'hui, en 82... Il pisse mon char. Ouais. Excusez. Ça me fâche. Ton char... Il sent bon. Ouais, là, il sent bon. C'est ouais, peut-être pas un chat qui pisse ton char, man. Je l'ai vu, c'est des chats qui pissent sur les chars. Puis qui chient dans mon pays. Mon pays. Je vais brûler ça, cette maison-là. Je vais déménager. médicaments partout, ça règle pas. Ah, ah, ça règle pas. Char, sérieux, ces chats-là, même son next level en crise, il n'y a rien pour les arrêter. Next level. Et quel est le troisième fun fact? Troisième fun fact aujourd'hui. En 92, Mortal Kombat a été le premier jeu à être classé mature par le ESRB. C'est d'ailleurs ce jeu-là qui est à l'origine de la création du ESRB, qui est le Entertainment Software Rating Board. Ouais, ça, je savais. Je savais qu'il était à l'origine de la création. C'est pas Night Trap? je pense pas, non. Non, c'est Mortal Kombat. Là. Il y a une horde de parents outrés là, qui est sortie. Hey, mes enfants jouent à ça dans l'arcade. Là, ils ont décidé de créer un genre de comité. C'était le premier jeu assez gory sur les consoles. Oui, mais Night Trap n'était pas sur une console populaire, tu sais. Tandis que là, Mortal Kombat, c'était gros comme phénomène. C'était plus gros que Night Trap. Parce que je me souviens d'avoir lu que Night Trap a comme causé le Sénat ou whatever américain à se mobiliser pour créer de quoi, parce que ça n'avait pas d'allure. Ben, il y avait ça, puis il y avait Phantasmagoria surtout, là. Ah ouais. Phantasmagoria était épouvantable, là. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si c'est dans Phantasmagoria qu'il y a la fameuse scène de la fille qui se fait forcer à manger, mais c'est la plus dégueulasse que j'ai vue dans ma vie. Ouais. J'ai vu des films d'horreur, puis il y a rien qui peut me guérir de ça. Moi, en fait, j'ai oublié pas mal tout Phantasmagoria parce que on s'entend que c'était comme genre 132 pixels sur 80, je sais pas. C'était tellement une résolution de tout petit. T'étais là, hey, ouais, ça c'est l'avenir, le CD-ROM. C'est comme, tu te plissais les yeux. Puis il y avait des, en plus, étant donné qu'il était pas capable de rendre une vraie image. T'avais des grid lines là-dedans, là, oui, en plus forcé, tu sais, fait que simuler un écran de TV dans un écran de TV. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'était juste pour sauver au niveau du frame rate, là, fait que, my God. Fait que moi, j'ai oublié ces images d'horreur. Ben ouais, hein. Mais GF, oui, t'as fait un lien incroyable sans le savoir en le sachant. Non, je savais pas, là. Car avec le ESRB vient le premier sujet. Oui. Ah, bon. Cette semaine même, j'avais mis l'eau à la bouche des gens en mettant une information sur Facebook. J'ai dit aux gens, si vous savez pas si vous devriez acheter un jeu ou non à votre enfant, vous pouvez aller voir sur esrb.org, esrb.org, pour aller voir si le jeu est violent ou quelle cote il a ou... Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu qui fait qu'il y a tel code? Donc, on écrit le nom du jeu, puis finalement, ça nous dit, bon, ben finalement, Grand Theft Auto, je peux pas le louer parce qu'il y a de la drogue, il y a des putes, puis il y a plein d'autres choses, il y a de la violence. Ouvre la porte, cite Grand Theft Auto. Fait que c'est ça. Fait que bref, le sujet, en fait, c'est à partir de quel âge devrait jouer un enfant? Puis ça a l'air simple comme question, mais c'est pas si simple que ça. Parce que les opinions sont différentes pour tout le monde, puis pour tous les types de jeux. Oui, mais moi, j'ai pas eu de... Mon fils, plus vieux, de 6 ans. Ben moi, mes parents, ils ne checkaient pas trop, tu sais, ils jouaient dans le temps. Oui, mais dans le temps, là, je parle de maintenant, là, parce que dans le temps, on peut pas... Ça compte pas. Ça compte pas, man. Mais mon fils de 6 ans joue, mettons, à l'ordinateur, à l'école, tu sais. Puis il joue chez nous aussi. Déjà en flash, là, sur Friv. C'est sa grande passion. Sinon, il joue à NHL. D'ailleurs, merci à Max Tremblay de m'avoir donné NHL. Ouais, Vincent Laniel aussi m'a donné un NHL. Les deux m'ont donné un NHL 2014 et 2013. Fait que mon fils, il capote, man. Il joue à ça au PlayStation 3. Fait que ça va. Mais j'ai jamais comme décidé que mon fils, tu vas jouer à des jeux vidéo. Ouais. C'est l'heure, tu sais, c'est le temps. Ouais. Là, tu peux. Go. T'sais, ça s'est comme fait tout seul, je sais pas. Mm-hmm. Je l'ai jamais poussé là-dedans. Puis à l'école, ils jouent à l'ordi, puis that's it. Fait qu'à cette heure, ils jouent à ça, tu sais. Mais je sais pas, à 6 ans, tu sais, j'ai pas un ado encore. Là. Non. Grand Theft Auto, tout ça, ça n'a pas rapport. Je suis pas rendu là, fait que je sais pas. Ouais, mais tu sais... Tu suis les ratings, là. C'est ça. Parce que toi, Nick, tes enfants sont quand même assez jeunes. Ouais, ben, ma fille a 2 ans, on s'entend que mon gars a 7 mois a pas été exposé. Hein. Mais ma fille a 2 ans, tu sais, puis... Elle démontre un certain intérêt beaucoup plus pour l'iPad. Puis ce qu'on a essayé de l'amener, c'est plus vers des applications éducatives. T'sais, tu te dis, moi, c'est de faire un bon parent. T'sais. C'est un média que l'enfant est attiré vers la lumière quand même de cette affaire-là. Ouais. C'est... Ils sont capables de swiper aussi. Exact. Mais les commandes sont tellement intuitives que rapidement, ça a été ça, elle avait de l'intérêt. Puis au début, honnêtement, elle aimait Angry Birds, tu sais. Ouais. Chose que j'ai voulu casser tout de suite, t'sais. Je me suis dit, ça va rien amener de bon dans la vie, tu sais. Ouais. Non, mais avec là, j'ai dit, là, on a downloadé une couple d'applications pour enfants, genre à caractère éducatif, avec des lettres, tu bouges des chiffres, tout ça. Puis elle aime ça quand même, tu sais, des jeux de mémoire aussi, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est bon, tu sais, tu peux l'utiliser comme un outil comme ça. On a essayé à un moment donné avec la 3DS, mais en mode 2D. Ouais. Pour s'entendre, parce que c'est pas bon pour les enfants. Sur un enfant de 2 ans. Oui, juste pour voir. C'était Excitebike, en fait. Mon gars de 6 ans, il est pas capable. J'ai montré. Puis elle a été capable de jouer avec Excitebike en disant que tu peux tenir le bouton. Là. Oui. Ben, je suis pas sûr qu'elle comprenait ce qui se passait, mais elle a pas d'intérêt. J'ai l'impression qu'elle a pris une fois. Non, mais c'est ça. Elle a pris une fois, puis ça s'est fait. L'autre chose qu'elle aime vraiment énormément, elle aime ma grosse manette de Street Fighter. Elle se fout totalement. Ah, ça, la TV peut être fermée, là, c'est pas grave. Ben oui. Mais elle va aller mâcher sur le joystick. Fait que, ça, cet aspect-là, c'est le fun. Mais je fais ça des fois. Je joue à Ice Hockey au NES avec mon gars de 6 ans. Puis là, le petit, bien sûr, il veut, le petit 2 ans, il veut jouer. Fait que je lui mets une manette pas branchée. Ouais, puis il pitonne. Il y a à l'envers. Le il truc, est bien content. Le truc du grand frère qui a un petit frère avec qui tu veux pas jouer, là. Ah, ouais, c'est ça. Le bon truc. Ah exact, oui, tellement. Moi, c'est, sauf que là, c'est, toi, c'est des vieilles manettes avec des fils. Fait que la. Il simule des nags. Il la met en dessous de la console. Ouais, ben c'est ça. Il s'en rend pas compte. Tu sais, je mets le fil. Ben non, non, il est trop petit encore pour se rendre compte que c'est pas branché. Moi, c'est plate. Mon gars, là, il s'en est rendu compte il y a 3 ans. Ouais. Puis là, il cache qu'il faut que ça fasse quand la manette n'est pas synquée. Puis c'est comme je pèse, puis il se passe rien. Quand la manette n'est pas synquée, ben, il a catché une autre Il a coche, catché là, l'autre étape. La lumière bleue flash. Ouais. Non. Ça me fait capoter. Je suis comme, Colin, il a déjà compris ça. Parce que c'est vrai que, en fait, ce qui est, les enfants sont quand même nés avec un écran en face, tu sais. On a tous des téléphones, on a tous des tablettes, on a tous des grosses TV. Mais moi, je suis pas du genre à me battre contre ça, tu sais. Aujourd'hui, la vie, c'est ça, tu sais. On a des téléphones, on a des écrans, on a des tablettes. Dans le temps, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Là, faut pas comme surprotéger nos enfants, genre « Ah, attention, des non, écrans! » Non, c'est ça. Ben, tu sais... Je suis pas des parkés devant la télé à longueur de journée, là. Non, ouais. On joue dehors. Mais c'est vraiment, comme ça... parent, t'as un jugement à faire, puis c'est une balance, tu sais. C'est sûr que... Tu veux pas que ton enfant ait non plus un retard technologique dans un sens, tu sais? Ouais, ça m'inquiète pas à cet âge-là. Non, mais je dis sur une longue période de temps, tu sais. Mais il faut balancer avec le fait que, tu sais, tu veux, tu sais, il va avoir une réussite scolaire là-dedans, tu sais, il va avoir un paquet d'affaires, du sport, tu sais. Je pense que des activités sportives ou, tu sais, genre juste à l'extérieur, c'est important. Non, c'est très important. C'est doser tout ça, tu sais. Mais moi, j'ai lu un article qui m'a vraiment fait changer d'avis sur les jeux vidéo pour les enfants, puis c'était... c'était un journaliste que je respecte bien gros qui travaille chez Polygon. Puis lui, en fait, il disait « Dernièrement, j'ai réalisé que j'aime mieux que ma fille joue à un jeu vidéo pendant 2 heures qu'elle regarde un film. » Parce qu'en fait, on a le réflexe en tant que parent, en tout cas beaucoup de parents, moi-même j'ai eu le réflexe longtemps de genre « Non, c'est assez le jeu vidéo, là. Écoute un film. » Puis t'es vraiment comme « Non, écoute un film. » Mais pourtant, jeu vidéo va y apporter à avoir des réflexions, à essayer de résoudre des problèmes, chose qui t'arrivera jamais. Tu regardes un film, puis quand t'es un enfant, regarder un film, c'est un peu genre passif. Regarder ben, les images. Dépend. Si c'est des un fois, bon film, en même temps, ça t'apporte des émotions, comme l'empathie, la tristesse. Tu vis des émotions à travers totalement, une œuvre cinématographique. Oui, sauf que tu travailles... absolument rien quand tu... Je veux dire, tu peux avoir ces émotions-là, ce qui est très bon, sauf que ça te fera pas travailler, ça te donnera pas justement, ça te donnera pas quelque chose comme, admettons, additionner essayer de résoudre vraiment des problèmes précis, des puzzles, des trucs comme ça. Sauf si t'écoutes un film d'addition triste. Ouais. Mais il n'y en a pas encore. A Beautiful Mind. Ouais. C'est un peu c'est ça, vrai. Quand même. Il y en a un, finalement, mais c'est pas pour les enfants. C'est pas vraiment. Ouais, c'est ça. Mais ça, je trouve ça intéressant. Puis en fait, je m'en suis rendu compte avec ma fille que c'était quelque chose de vrai parce que quand elle joue à un jeu vidéo, souvent, par contre, ce qui arrive, c'est qu'elle va juste se fâcher un moment donné parce qu'elle n'y arrive pas. Puis elle va se tanner, elle va lâcher la manette, tu sais. Moi, c'est ça qui arrive avec mon fils, en fait. Il pète sa coche, man. Puis il devient comme... Ouais. Il est fâché, mais il est en crise, man. Moi, je suis tout le temps, c'est un jeu vidéo, là. Moi, c'est le bout qui commence à me faire peur, tu sais. Quand il est fatigué, là, puis qu'il joue, puis qu'il perd, là, il perd le contrôle. Il perd la carte, totalement. Ouais. Ça, j'aime pas ça. C'est là que je me dis que c'est malsain, là, tu sais. Ouais. Il devrait faire d'autres choses, relaxer, tu sais. Mais au lieu de ça, il joue, puis il pète une coche, puis après ça, il est en crise contre nous autres, tu sais. Ouais. Man, il est dur à calmer, là. Fait que ça, c'est pas bon, tu sais. Ouais, parce que c'est une balance, même, tu sais, sur le... Moi, un problème que j'ai présentement, ben, les enfants, comme n'importe quel enfant, ma fille puis mon gars préfèrent le iPad à tout ce qui existe. Totalement, moi aussi. Tu sais, je leur ai donné un Game Boy, une DS, une 3DS, tout le kit. Là. Moi, c'est l'ordi. Puis ça revient tactile, tout le temps, l'iPad. Ouais. Puis le problème avec l'iPad, c'est qu'ils ont appris assez facilement, à cause des applications gratuites, que quand tu pèses un piton, ça s'en va sur le store, puis là, tu cherches, ouh, hey, y a d'autres applications. Hey, y a tout le temps un autre. Hey, y a tout le temps un nouveau jeu. Puis là, je suis rendu à l'étape avec ma fille où faut que j'essaye d'y faire comprendre les maudits free-to-play qui sont pas vraiment... C'est des free-to-play, ouais, pay-to-win. Là. Ouais. Puis elle comprend pas ça, puis elle essaye de... Tu sais, elle veut avoir tous ces jeux-là, puis quand elle a fini un jeu, elle en veut un autre tout de suite. Moi, c'est ça que je trouve désagréable, que j'avais pas quand j'étais jeune. Ouais. Puis j'ai ça, dire ça. Moi, dans mon temps, mais c'était un peu ça, pareil, parce que quand j'étais jeune, t'appréciais ton jeu parce qu'il n'y en avait pas des centaines à ta portée. Ouais. C'était plus difficile de se procurer un jeu, tandis que maintenant... C'est tellement facile, je veux dire, c'est, tu pèses une affaire puis t'as déjà l'autre jeu, t'as ouais, déjà le. Mais je pense que t'as mis le doigt là-dessus, c'est facilité et fréquence. Je suis sûr que tout le monde qui a grandi dans une certaine époque a quitté de l'argent à sa mère pour aller louer une cassette. Oui, tellement. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. On l'a fait, là. Ou aller à l'arcade, tu sais, genre 5$, là, tu sais, mettons, là, bon, j'ai fait le gazon, tu sais, j'ai fait ma chambre, là, ouais. Là, t'avais 5$, tu sais, là, tu t'allais dépenser tout ça, là. C'était 20 games. Fait que, tu sais, il y avait une espèce de justement de demander aux parents, mais à cette heure, c'est justement, comme tu as dit, c'est tellement à bout de doigts, facile. Oui. Mais moi, j'achète pas vraiment, tu sais. Ben, moi, j'en tout achète. Ce qu'il veut, ouais, j'en achète. OK, OK, non. En fait, non, ouais, non, c'est sûr, ça, pas tout ce qu'il veut. Là. Mais tu sais, quand il y a une pub qui pop de son jeu gratuit, il dit, hey, papa, regarde aussi, ils font l'affaire. Je dis, non, là, on achète. On va pas acheter ça. Ça coûte de quoi. Il comprend l'argent, tu sais. Ouais. Il comprend là, que c'est gratuit, fait qu'OK, on le télécharge, on s'en. Regarde, papa, il est raisonnable. Quelque chose, papa, il achète jamais plus de jeux qu'il y en a vraiment besoin pour jouer. C'est ça. C'est ouais, toi, c'est un peu dur aussi. Regarde le mur. Il s'en rend pas compte, tu sais. Il s'en rend juste pas compte. Non, moi, en fait, à 4, mais il comprend aussi la merde. Comme, quand j'ai... Non, non, mais j'ai dit, il comprend le Dolorama. OK? Ça, c'est important. Tu sais, un enfant qui rentre dans un Dolorama, il y a des jouets, il y a des jouets. Bon, mon fils, il comprend que ce qu'on achète Dolorama, ça va briser, tu sais. Fait qu'il, c'est vrai. Il en veut pas vraiment. Puis il y a des jeux de merde gratuits. Il en a essayé une coupe qu'il voulait. Moi, je le télécharge. Il joue comme une minute. Il est lâche, il joue plus jamais. Fait qu'il sait, tu sais, que. Mais à un moment donné, quand il veut investir vraiment sur un jeu qu'il joue beaucoup, tu sais, genre débloquer le prochain Angry Bird, même si t'es contre ça, il y a quand même beaucoup de jouets. Il a beaucoup aimé ça. Fait que je suis pas contre Angry Bird. Je mets la pièce, tu sais. Je suis pas contre Angry Bird. Ça tombe de bonheur. J'étais contre que ce soit le premier jeu que ma fille joue. Vraiment. Non, ça n'a pas ça de risque sens. De ressembler un à an ça, et demi. Le... Non. On va, mais on va le jeu, il faut que je dise ça quelque part. Le jeu que ma fille aime le plus au monde, c'est Goat Simulator. Ah ouais. Tu l'as acheté? C'est génial, mon gars. Mais c'est le jeu le plus épais qui existe. Mais j'aurais aimé ça que ça existe quand j'étais jeune. J'aurais tellement trippé. Il est en iOS? Hein? Il existe sur iOS. C'est tellement le fun, ça n'a pas de sens. Là. T'as une chef puis t'as fait faire plein d'affaires. Là. C'est juste ridicule, mais tu peux débarrer une girafe aussi, des affaires la même. Fait que les kids aiment ça, tu sais. Je pense qu'il y a un Rock Simulator au PC, si tu veux, maintenant. Ah ouais. Tu peux pousser la note, Non, mais c'est ça. Là, c'est vrai. Une roche à terre, t'attends l'émotion. Il y avait un Kickstarter, je pense, là-dessus. Puis, tu peux faire n'importe quoi avec ces affaires-là. Quand t'as du temps. Quand t'as du temps à dépasser. Aïe, mais c'est ça. Moi, je pense que les enfants jouent quand même plus jeunes. Pis sont... C'est juste qu'ils ont un éventail beaucoup plus grand de jeux que nous autres. On n'avait pas nécessairement. Puis un réalisme encore plus poussé. Parce que moi, ma fille, dernièrement, là, j'ai comme pogné un simulateur de cheval sur l'ordinateur. Fait que elle tripe ses chevaux. Là, vraiment, là, c'est une petite fille. Fait qu'elle tripe ses chevaux. Fait que là, elle joue sérieux, au simulateur de cheval. C'est la première fois que j'entends ça. Pour vrai? C'est une petite fille bizarre. Non, je sais pas. Je voulais juste te faire peur en disant que t'es la seule fille qui tripe sur les chevaux et que tu devras en acheter un puis payer l'hébergement du cheval. Comme Lisa dans les Simpsons. Ouais, ça arrive tellement souvent. Ça va te prendre un deuxième job. Ouais. Non, mais ça, excuse, ouais. Non, mais c'est avec ça. Jeu de cheval. J'ai acheté un simulateur de cheval. T'sais, j'ai regardé tous ceux-là qui se faisaient. Je suis un hérétique qui a juste un Mac à la maison. J'ai pas de PC. Ouais. Fait que. Tu joues sur Mac. Hein? Non. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, j'en ai trouvé un. Puis là, je me suis dit, ben, c'est ma fille quand même. C'est une petite fille de 6 ans. J'achèterai pas un simulateur de cheval à 60$. Ça va peut-être être la menthe. Ça existe-tu à ce moment? Ça existe. C'est ça le problème. Fait que là, j'en ai acheté un qui coûtait comme. Hey, t'as les mouches dans le poil. Mais il y en a un qui coûtait 5$. Le cheval, il se promenait, puis tu sais, c'était comme un monde ouvert, une forêt, puis il fallait que tu broutes du gazon, puis des fois, tu rencontrais un ours, tu sacrais des tapes, puis tout ça. C'était un peu ridicule, aïe, aïe. Mais c'était un cheval. Fait que là, moi, je download ça, je me dis, bon, ben ça va être parfait, elle va être contente. Là, elle regarde ça, puis elle fait comme, il est pas beau, le jeu, papa. Là, elle dit, il est pas beau, le jeu. Puis après ça, elle dit, les chevaux, ça se bat pas contre des ours. Puis je suis tanné de manger du gazon. Puis, j'aime pas ça, ce jeu-là. Puis là, je suis comme, calique! J'étais vraiment fâché. Puis je me disais, tabarnouche, déjà à cet âge-là, est quand même capable de réaliser que on a joué à un jeu sur la PS4 ou la Wii U, puis c'était beau en sacrifice. Là, elle joue à un jeu qui est moins beau, qui est un petit peu moins réaliste. Pis ça l'écœure. Bruno, t'as pas voulu payer 70$ pour ça. Non, mais c'est ça. Fait que je pense qu'au final, je vais peut-être être pogné pour faire ça. Bien, parce que là, il y a des. Là, c'est. Moi aussi, je rentre dans la catégorie d'années que plusieurs parents qui nous écoutent doivent vivre. C'est, admettons, Club Pingouin ou des affaires de même qui te font un abonnement. Puis que ton enfant rencontre d'autres enfants sur le web, puis qu'ils disent « Hey, tu veux-tu m'acheter mon beau veston rouge? Ben, ça te coûte 2$. » Puis là, ben... Ouais, tu mais tu sais, il faut faire attention. C'est pas juste des enfants là, que tu vas rencontrer sur le web. Là, non, là. Je le sais. Tu sais, c'est... Fait que c'est ça, ça me fait rusher parce que je suis comme ça, rendu là, puis le niveau connectivité de jeu social, tu sais, c'est plate, là, mais il faut le dire, là, il y a une canne de pédophiles là-dessus, puis... C'est vraiment... Il y a un côté dangereux à ça, là, tu sais. Oui. Ou du fait que tu plugues ton enfant, mettons, sur une Wii U, là, où, tu sais, c'est tout à fait bénin. Il n'y a pas de rien qui peut t'arriver là-dessus. Même à la limite, les autres consoles. Mais les jeux en ligne sociale, tu sais, tu sais jamais c'est qui à l'autre bout, là, tu sais, la ligne. Ça me fait chier, moi, j'aurais aimé sans ça. Sans virer dans la paranoïa, tu sais. Mais à un moment donné, ça va se parler à l'école, tu sais, ils se disent, ben, c'est Jean-Claude Pingouin, tu sais, dans le temps, il y a eu Monkey Island qui a été décommissionné. Mais... Exact, tu sais. Qu'est-ce qu'à l'école, ça se passe? Parce qu'elle, en fait, ce qui arrive, c'est que... Ils partagent des idées de jeux. Va voir dans ton ordinateur, telle affaire, frites. Mais il y a plusieurs de ces amis qui ont même pas... Castlevania, je l'ai appris à l'école. Il y a un gars qui a dit, essaye ça. Hey, Mario 2, man, il y a une souris. C'est un boss. C'est comme, wow. Ouais. Là, à cette heure, ils disent juste, hey, c'est ça, genre, je sais pas, non, Second y a Life, des... malade. The Sims, let's go. Mais il y a plusieurs enfants aussi qui n'ont pas, pas de console à la maison ou ils ont une console, mais papa est un enfoiré puis il ne permet pas à ses enfants de jouer avec sa console. Ça arrive aussi. Fait que, il y a des affaires, il y a des situations comme ça qui fait qu'il y a certains enfants qui jouent juste sur un ordinateur. Ce soir, on donne dans le commentaire social. Ouais, hein, c'est très social à soi. Mais je dis, mais une des affaires qui est. Qui est comme problématique, c'est au niveau de la gestion de tout ça, tu sais, c'est aujourd'hui, il y a une multiplicité des écrans, tu sais. On regarde aujourd'hui, dans le local. Il y a combien d'écrans, tu sais? Ouais, mais là, non, ici, non, t'es dans un lieu. Je blague, Dominique, mais chez nous, là, il y a plein d'écrans. Ben j'ai deux TV, trois TV, j'ai, tu sais, il y a un iPad, il y a un iPhone, tu sais, il y a un paquet d'affaires. Ouais. Puis moi, dans le temps, là, jouer au Nintendo, c'était comme, je me rappelle, un samedi soir, moi et mon père, on se partageait le hockey. Puis entre les périodes, je jouais à un jeu, tu sais. Ouais, après ça, le hockey recommençait, tu sais. Là, il y avait un seul écran que tu partageais avec la famille. Là, à un moment donné, ta sœur va écouter, je sais pas, moi, ses affaires de Kalinours. Ouais, c'est ça, les petits pouliches. Là, tu t'es comme, OK, bon. Fait que là, tu sais, ta mère va écouter la météo. Fait que tu sais, il y a une espèce de partage de l'écran qui existait, qui faisait que... Tu peux pas être plugué là-dessus tout le temps. Ouais, un iPad, là, mettons, techniquement, là, tu sais, c'est facile, tu sais, de dire, OK, vas-y. Là, tu pourrais, techniquement, ton enfant pourrait passer, tu sais, plusieurs heures sans s'abreuver, sans rien, tu sais, surtout s'il est encore aux couches, tu sais. Mais ça, c'est ça qui est difficile. C'est, faut que tu gères ça comme parent. Tu dis, bon, je vais gérer le temps qu'elle va l'avoir. Mm-hmm. Puis, tu sais, je vais gérer, je vais essayer d'encadrer tout ça. Mais aussi, c'est en tant que parent. À un certain point aussi, tu peux être brûlé, tanné, puis avoir le goût d'avoir ton temps à toi. Fait que là, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Que ouais, là, ben, tu vas, c'est ça. Là, ton enfant est comme tranquille. Là, toi, t'es tranquille. T'es comme. Faut juste pas que t'abuses de ça. Tu t'en rends pas compte. Tu fais oups, ça fait un petit bout quand même. Exact. À un moment donné, c'est beaucoup de choses. On va fermer les écrans. Ouais. Mais tu sais, moi, mettons, on revient de l'école, puis tout ça, puis on prépare le souper. Ben, ouais. On allume la télé. T'sais. Les gars, ils écoutent la télé, puis moi, ma blonde, on jase dans la cuisine nos journées, tout ça, on prépare le souper, puis après le souper, on fait les devoirs, puis on fait d'autres choses. On rallume pas la télé après le souper. Il n'y a pas de télé le matin non plus, parce que sinon, ils collaient là-dessus, puis c'était comme la guerre pour les décoller. C'est le matin, si ça marche pas, ça les ralentit trop, tu sais. Mais aussi, on a fait un moment donné pour contrôler notre fils un système de pointes. C'est bon que t'en passes. Des pointes de tarte, tu sais. Puis quand il faisait du trouble, ben on enlevait une pointe de tarte. Ouais. Chaque pointe est 15 minutes. Fait qu'il y avait une heure dans le jour qu'il consommait ses pointes de tarte de jeu, tu sais. Fait que c'est correct. Mais là, finalement, ça s'est... Tu sais, à cette heure, il fait juste arrêter de jouer lui-même. Ouais. Ça, il tente plus. Ouais. Surtout au PlayStation 3, il joue à NHL. C'est quand même assez dur pour lui. Ouais. Il joue une game, puis il arrête. Mais des fois, il arrête, mais il veut recommencer tout de suite sur une autre plateforme. Ouais. Fait que c'est là qu'il faut comme couper, choix, là. Mais il faut être vigilant, t'sais, parce qu'effectivement, il pourrait être en train de jouer tout le temps, tout le temps. Puis c'est le fun, en tant que parent, d'utiliser cette liberté-là pour faire tes gogosses, surtout quand on a deux. Mais moi, je pense qu'il faut comme couper ça pour faire attention. Là, ouais. J'essaie que ça dépasse pas une heure, là. Parce que, anyway, après une heure, c'est là qu'il va commencer à péter sa coche quand il va mourir puis il va pas réussir dans son jeu. Pis c'est normal, ouais, c'est il va sûr, pas performer. Hein. C'est un petit être. Là, ouais. Moi, avec, quand je claquais, après deux heures de gaming, que je crève au même boss, je pogne les nerfs. Faut que tu te lèves debout, man. Non, c'est ça, tu te lèves debout. Moi, mon truc, c'est de gamer le samedi matin avec un café, avec des plus performants. Ouais. Mais je peux pas effectuer mon truc parce que j'ai des enfants. Fait... En robe de chambre. En robe de chambre, courte. Si Seb de Boulevard Brutal est encore là, j'aimais beaucoup rapporter la robe de chambre de choses de Playboy. Là. Hey, faut que j'aille aux toilettes. Je suis pas allé pendant la pause. Ah, ouais, vas-y. C'est Hugh Hefner. La robe de chambre de Hugh Hefner, courte en genre de satin. Là. Ouais. C'est ça que ça te prend. Là. Ben, tu sais, rien en dessous. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le PlayStation Air et la caméra d'Xbox, ça change la donne. C'est vrai. Fait que toi, Jeff, veux-tu des enfants? Vas-tu les faire gamer? J'ai beaucoup de jeux en retard, fait que j'ai ça à faire en premier. Après ça, on verra. Là. Mais oui. Je te dirais, la période de grossesse est un excellent moment pour rattraper des jeux, tu sais. C'est limité un peu ce que tu peux faire comme activité à l'extérieur. Là. Fait que il arrive un certain nombre. Les derniers mois, là, tu t'en vas plus hiker une montagne. Non, c'est vrai. Moi, je suis dans l'âge où tout le monde que je connais ont des enfants ou sont enceintes en ce moment. Là, fait que je suis comme le dernier de ma tribu là, qui reste. Ouais, c'est ça. T'es encore, le dernier bastion. Fait que mettons que la pression se fait sentir pas mal. Ouais, mais fais fi de la pression. Exact. Quand t'es prêt à l'intérieur. Est-on prêt ou. Jamais vraiment comme homme. Mais... Un accident est si vite arrivé. Mais non. Non, mais t'es jamais prêt. Mais à un moment donné, tu dis bon, OK, on va peut-être s'essayer. Le clac, ça marche. Bon, coudonc, c'est fait. On continue. La vie s'arrête pas là. Bon, ben, bonne affaire de fête, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Pendant que Bruno est aux toilettes, je vois rien chérir sur mon truc de Mario et Donkey Kong tantôt que je disais. Là. Ouais. Quelqu'un dans le chatroom m'a pointé sur un Game & Watch de Donkey Kong Circus. C'est un remake d'un jeu de Mickey Mouse, en fait. C'est Donkey Kong qui est sur un baril qui jongle avec des trucs. Puis t'as Mario qui rit de lui puis qui le fouette quand il manque son coup. Ah ouais. Fait que Game & Watch, c'est ce qui est avant. Ouais, fait que ça partirait de là vraiment. Ouais. Vraiment, avant le premier Mario. Fascinant. C'est-tu Renaud Dorval qui nous a linké ça? Non, je pense pas. Non, il est pas dans la chat, moi, en ce moment. Renaud. Bravo. Alors voilà. C'est une belle. Ouais, c'est un beau lien. Merci. En tout cas, on va passer au prochain sujet. Ben oui, ouais. Certain. Prochain sujet, on va parler parce que au dernier épisode, on a parlé de Sega, puis c'était bien intéressant. Ouais. Là, cette semaine, on va parler de Konami. Oh yeah. Oh yeah. Attends un peu que je sorte mes notes, là. J'ai été mandaté de trouver des notes. Oui. Puis, attends un peu, six mois. OK, c'est ça. C'est toi qui m'as fait changer mes affaires, Bruno. Ah ouais, je le sais. Mais en tout cas, regarde. Attends, je commence. Parce qu'elles sont écœurantes, tes notes. Sont écœurantes. Konami a été fondée en 1969 au Japon en tant que compagnie de réparation de jukebox. Et puis, ça a été fondé par Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama et puis Tatsuo Miyasako. Et si tu prends les deux premières lettres de chaque nom de famille de ces gens-là, ça fait Konami. Konami. Ah. C'est là que ça vient. Ça sonne bien, Konami, aussi. Oui, mais ça sonne bien. Puis le premier que j'ai nommé, Kagemasa Kozuki, est toujours le chairman en chef présentement. OK. Donc, ça, c'est le fun, tu sais. Depuis 1969, c'est lui qui est en haut, puis la compagnie oui. marche. Parle-moi de ça, une compagnie en santé. Ça, j'aime ça. Donc, le siège social est à Tokyo. Il y a une business de jeux vidéo à El Segundo, Californie, okay. aux États-Unis. La business, parce que Konami aussi vit beaucoup, beaucoup, beaucoup des machines casino. Donc, il ouais. Y a une compagnie de ça, une business de ça à Paradise, dans le Nevada, donc proche okay. de Las Vegas, je présume. Il y a un autre business de jeux à Sydney, en Australie aussi. Juste pour ce que tu as mentionné, la business de casino, là, comme ça, moi, je travaille pour l'Auto-Québec présentement. Oui. Le système Konami est en place là-bas. Ah ouais. Donc, tu sais, puis ils sont présents partout à Las Vegas. Ils sont vraiment okay. huge. Oui, hein, c'est ouais. ça. Wow. C'est ça la grosse affaire. Finalement, les jeux, eux autres, c'est des peccadilles. Ah, c'est ça. C'est. Ouais, c'est ça. C'est pour arrondir la branche les fins mineure. De là, t'sais. Exact. Puis nous autres, on est tous bandés là-dessus. Eh ouais. là, boy. aussi, je voulais juste souligner que. J'aime ça dire ça. Non, c'est correct. On copyright à soirée du podcast. Ben raide là-dessus. Puis en octobre 2014, Konami a célébré ses 30 ans à la Bourse du Japon. Alors, quand même, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Fait que là, j'ai dans le fond, j'ai une liste de jeux. Avez-vous d'autres choses à dire sur l'historique de Konami? Ben moi, j'ai pas grand-chose à dire à part que ils ont acheté Hudson Soft. Ouais, ça, je l'avais à des fin, années. Ça. Ça va à la fin, hein, mais Hudson c'est ça. Hudson Soft a fusionné avec Konami en mars 2012. Exact. Donc, mais le branding Hudson reste. Mais ils l'ont acheté en arrière, plus tôt. C'est Konami. C'est ça. Ben, ils fusionnent, c'est pas une grosse compagnie. Tu sais, ouais. ce sont dissous dans c'est Konami. C'est ça, exact. C'est ouais. comme si toi, tu fusionnes demain matin avec Bell Canada, tu sais. Ouais. C'est ça. Ils t'absorbent. Bon, ouais, ils m'absorbent complètement. Mais ils ont gardé le branding, par exemple. Ouais. J'ai pas regardé les licences de Hudson aujourd'hui. Bomberman. Ben, Bomberman est la plus populaire. Mais c'est pas écrit Konami sur le case. Non. C'est écrit Hudson encore. C'est écrit en petit en bas, c'est écrit Konami. Ah, c'est ça, c'est ça. Fait que. Mais ils ont préservé le branding de Hudson, pareil. Ils ont bien fait, c'est tellement beau, là. Ouais, c'est ça nous est chaud au cœur. Ouais, on est nostalgique de cette marque-là. Ça, fait que ça aurait été très de le tuer. Fait que. Ils ont bien compris, tu sais. Ouais. On est nostalgique de plusieurs marques. Puis moi, juste avant de partir, parce que je veux pas l'oublier, je trouve que le nouveau logo de Konami est poche. Ah, la bande rouge, là? Le couteau. Moi, je voyais qu'un couteau de chasse. Ouais, ouais. Puis je me disais, crime, c'était tellement beau ce qu'il y avait. On aimait tout avant, l'autre, là, avec ouais. le genre de deux petites waves, là. Avec les deux petites waves, il était vraiment magnifique. La typo était super belle. Le premier d'origine aussi qu'on peut voir sur Antarctic Adventure, genre, puis tout ça, là. Le cas est relié au reste. Ah, oui. Il est très beau, celui-là aussi. Ça a été leur premier logo officiel. Ouais. Je l'aime bien. Bref, Ben, attends aussi, pour commencer... excuse, Nick, vas-y. Ouais, ben moi, en fait, j'ai rien d'autre à rajouter sur l'historique. Là. J'imagine qu'on va en parler à un moment donné. Tu sais, je veux dire, eux, ils ont fait une trace là, à tout jamais dans la culture populaire avec le fameux Konami Code là, ouais. qu'on oui. peut retrouver un peu partout. Tu sais, il y a plusieurs sites web qui, à un moment donné, le supportaient. Google, à un moment donné, il y avait un easter egg relié à c'est ça. Vrai. Mais il paraît que Facebook, en 2009, avait une fonction qui est ouais. cachée, là, qui utilisait le Konami Code. Sur le site de RZO Web, si tu fais le Konami Code, tu peux jouer à Contrat. Oh, malade. Il y a eu des programmeurs qui se sont amusés derrière ce site-là. Ben super, c'est à noter. Ouais, essayez ça. Donc, tu sais, je veux dire, ils ont juste marqué la culture geek populaire, tu sais, du fait qu'ils sont rentrés là, dans tout à fait autre chose. Tu sais, ils ont marqué l'histoire, là, vraiment, là, oui. avec cette affaire-là. Là. Ben, moi, je trouve que Konami, comme Capcom, ben, nous autres, on a 35 ans à peu près. Oui. Puis, on a commencé notre gaming, notre gaming sérieux avec le NES. Oui. Fait que c'est sûr que. Dans le NES, les deux c'était très gros de qualité, labels, ouais. Konami et Capcom, c'est ouais. deux ouais. gages de qualité. Tout à genre, fait. Tous les jeux sont pas mal bons. Puis aussi, je voulais noter Ultra Games. Oui. Dans le temps au NES, ouais. par année, tu n'avais pas le choix. Tu pouvais pas faire plus que X nombre de jeux ouais. en tant que label. Mais eux autres, ils ont comme créé un sous-label Ultra Games. Fait que Konami a pu en faire encore plus. Ah, ouais. Donc ça, c'est une twist. Mais avec tous les jeux d'Ultra Games, c'est des jeux de Konami, dans le fond. Là. Ouais, ouais. Ils sont tous faits. C'était vraiment wise par rapport à la certification de Nintendo de l'époque. Ouais, c'est là. Ça. Très bonne idée. Twist, là. Parce que ouais. moi, je trouvais tout le temps en plus, les jeux d'Ultra, on dirait que c'est les mêmes bonhommes que oui, Konami. Oui, tu leur connais. to start. La musique est la musique est caractéristique de Konami. Ben oui. Fait que... Tu vois que c'est la même affaire. Ça, c'est très intéressant. Mais juste pour. J'avais pas fini pour rapper sur le Konami Code après ça. Non, vas-y. Techniquement, c'était. C'est une fonctionnalité qui est entrée par un programmeur à l'époque pour faire ses tests. Puis il l'a laissé dans, je pense, c'est Gradius, le premier jeu qui a eu ça. C'est pas Contra, c'est Gradius c'est à l'origine. Puis ensuite, là, ça a juste. Quelqu'un a eu vent de ça, l'a utilisé. Puis ils ont commencé à l'utiliser là, à toutes les sauces. Là. Mais c'est vraiment, à l'époque, c'est un code de debug d'un programmeur pour être capable de tester ses affaires sans mourir. Exact. C'est vraiment intéressant. Ah, c'est vraiment cool. Et là, c'est City Connection dans mes oreilles. J'ai une larme à l'œil. Je suis joyeux en ce moment. Hey, d'ailleurs, le Konami Code, es-tu capable de le dire par cœur? Bon, c'est assez facile. En haut, en bas, gauche-droite, BA start. BA. Et voilà. Parce que moi, là, même maintenant, je me trompe tout le temps. Je fais tout le temps BA, puis des fois, je fais BA, parce que je suis comme pas sûr duquel marche. Ouais, faut que tu fasses deux fois BA. Fais deux fois BA. Puis si vous jouez à Super Select C... Select Start. Au NES, c'est contre 2, ça, ça veut dire. Ben, c'est le contraire. Au lieu de faire en haut, en bas, bas, tu fais... C'est en bas, en bas, en haut. En bas, en haut, gauche, droite, AB, Start. C'est comme une fois chaque affaire, puis l'inverse. Okay. C'est le truc pour s'en souvenir. T'sais. Là, je l'ai peut-être pas dit comme faux, mais vous regarderez sur Internet. On va éditer ça de toute façon. Mais c'est ça. Moi, je t'assure que c'était juste une fois BA, puis c'est deux fois. C'est BA, man. Quelqu'un l'avait écrit dans le chat, d'ailleurs, le Konami Code, pendant qu'on en parlait, puis il a mis juste un BA à la fin. Ouais. Désolé, ça marche pas. Ça marche pas. Fait qu'au NES, dans le fond, moi, j'ai noté une couple de jeux ici. Bien sûr, Konami Castlevania. Ben, ouais, c'est probablement... Dedans mon cœur. Tu peux-tu me décrire un peu cette franchise que j'ai jamais entendu parler? Ben, il y a eu 3 Castlevania au NES. Blague. J'étais un grand fan de Gradius aussi. Oui. Gradius a été... Gradius au NES, au Famicom, aussi Salamander, puis au MSX. Life Force, c'est la version NES, dans le fond, qui est moins bonne. Alors, il aurait dû faire Gradius 2. Gradius 2 au Famicom est tellement plus hot. Il est bon, Life Force, bon. Ouais, il est tough. Ouais. Fait que grosse série. Toutes les Turtles aussi, du NES au Super NES. Hey, d'ailleurs, Gradius, fun fact, il est dans Blades of Steel aussi, c'était quand même le fun. Ouais, en deux périodes. T'as ça, ou bien t'as l'autre qui fait la pub de d'autres jeux de Konami, dont, j'allais le dire, Jackal. Ouais. Et puis. Hey, Jackal. Mais Jackal là-dessus, Blades of Steel, l'as nommé. Tu sais, les jeux de Ultra Games, il y en a plein. G-Ross, Mission Impossible, Roller Games. Roller Games, c'est un jeu d'Ultra. Metal Gear. Ouais. Snake's Revenge, qui est la suite de Metal Gear. Mais ça, là... The Lone Ranger. Il y a eu les late Konami, ceux-là qui n'avaient pas la bande grise de chaque côté. Là, on parle de Turtles 3, de Lone Ranger, Batman Returns. C'est tous des jeux qui ont juste le logo de Konami dans le coin, puis c'est comme un label full picture. Mm-hmm. Ça, c'est des bons jeux, ça aussi, puis on n'a pas beaucoup joué à ça. Where is Carmen Sandiego? C'est-tu Konami? Where in the world is Carmen Sandiego? Wow. Ouais, c'est ça qu'ils l'ont fait. Là, on se fait reprendre dans le chat. Là, le Konami Code, c'est juste un BA. Même sur le Wikipédia, ça dit un BA. Fait que là, tout le monde dit qu'on est chaud. Là, fait que... Peut-être que quand tu le fais deux fois, ça dérange pas. BA, je sais pas. Parce que moi, j'ai tout le temps fait deux fois. Le wiki, c'est vraiment ça. Là. Okay. C'est juste un BA. Laisse-moi aller le changer sur wiki immédiatement. On sait ce qu'il y a eu. Moi, c'est ça. Dans Konami, d'ailleurs, il y a une licence que j'ai bien aimée puis qu'on parle pas souvent. Puis j'aimerais ça qu'il y ait un retour. C'est Bloody Roar. Bloody Roar. Oui, je veux un retour de ça. C'était sérieusement, c'était super bon. C'est vraiment un de mes meilleurs jeux de combat auquel j'ai joué. J'ai pas un super bon souvenir de Bloody Roar. En fait, je trouvais que les contrôles étaient so-so, mais c'est aussi le look de l'époque, tu sais. Non, mais c'est ça. Il y avait du gros polygone. Il y avait le look de l'époque, moins bien rendu. Il y avait le trip que tu pouvais te transformer. Puis ça, je trouve que ça c'était le fun. Je trouve qu'il n'y a plus ça maintenant. Tu ne peux plus vraiment te transformer. Là, c'est sûr, tu vas me dire que dans Street Fighter, il y a tout le temps comme deux versions. J'allais dire que tu peux toujours rejouer en Thread Beast. Mais... Même affaire. Même affaire. Mais non. C'est pas le fun, ça. En Thread Beast sur PS2, je pense. Là, qui est une abomination. Le remake. Arrêtez de rire d'Altered Beast, Sti. J'aime quelqu'un qui me l'a acheté au Master System aujourd'hui. Moi, j'aime Altered Beast. Moi aussi. Que le monde bitch, là. Pour vrai, c'est ça pas bon, si pire que ça, là. C'est juste un platformer side bizarre, parce que tu punches des affaires qui volent, puis t'es comme un genre de chien. C'est hot, dragon à un moment donné, tu sais. Hey, come on, il saute mal. Le sprite, il est vraiment long. Il est vraiment grand. T'as déjà vu le logo quand tu te transformes? Oui, mais c'est ça, c'est la seule affaire. C'est ça qu'il mettait dans l'annonce tout le temps. Dans l'annonce, c'est gars. Fait que là, tu voyais ça, tu faisais « aïe, aïe! » Bandé ben dur. Un graphique en gros! Fait que là, t'étais super gros! Hey, mais Bruno, t'as oublié ta franchise de Konami préférée. Oui. Of all time. Je peux pas croire que tu l'as oublié. Attends un peu, là. Je vais checker mes notes. Si tu regardes les notes que j'ai faites... Tu l'as référencé tantôt, là. Tu m'as parlé tantôt. Non, mais j'ai parlé de Roller Games, entre autres. Ouais. Mais sinon, mais crime. Silent Hill. Pouyan. Pouyan, ton jeu d'arcade favori. Ah. c'est fait par Konami, ça. Dans les mêmes classiques, c'est ça. On a parlé de Frogger aussi. Je pense que c'était distribué par Namco, mais c'était Konami qui avait fait mais le développement. Mais c'est Konami qui a fait le développement. Ouais. C'est considéré par plusieurs comme le jeu le plus important de Konami. Oui, ben c'est sûr, ça les a mis ça à map. Je pense, c'est-tu leur premier jeu après les machines à pachinko ou de réparation de jukebox? Oui, en fait, c'est supposé être... Moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était le premier jeu qu'il y a eu de Konami qui est répertorié. Quand même un beau succès, là. Parce qu'en Amérique du Nord, là, Frogger a un très beau succès. Là. Il est resté, puis il est même... C'est ça, il est dans un épisode de Seinfeld, le jeu Frogger. Ah ouais. Pis ça, c'est d'ailleurs dans les fun facts de Frogger, la fois qui ressort. T'as lu les fun facts de Frogger? Oui! Là, tu m'impressionnes. Il y a aussi Antarctic Adventure que j'ai nommé ça, tantôt. C'était fun. Le petit pingouin qui marche, là, c'est un Endless Runner, man. C'est vrai. C'est ça. Avant le temps. Ouais, third person, Endless Runner, man. Exact, exact. Parodius aussi, qui est ça, c'est important quand même. Ça, là, ce jeu-là, j'ai joué juste en émulation. Il est-tu sorti en Amérique du Nord? Parodius. Il y a surtout au Japon, Saturn, Super Famicom, Okay. Il n'y a pas eu de version US. C'est quoi ça, Paradius? C'est une parodie de Gradius, carrément. C'est le même gameplay, la même affaire, sauf que c'est comme complètement fou. Là, c'est quoi, ton vaisseau, c'est un dildo? Genre, là. Mais c'est pas un vrai dildo. Non, mais il y a comme c'est des pas bras. Vulgaire. Il me semble qu'il y a comme des bras musclés. Ben, t'en as plusieurs. T'sais, tu peux être une fille sur un missile ou tu peux être une tarte ou whatever. Puis en arrière, il y a des grosses... des fucking une sirène qui crache de l'argent, c'est juste fucké là, c'est complètement fucké. C'est Gradius puis que le gameplay est bon, tu sais. On a joué au Weekend Gaming à ça. On a joué au Weekend Gaming. Puis pour ceux qui ont des jeux multi-cart in one, là, 280 en un, whatever, là-dessus il y a des tonnes de jeux qui sont faits par Konami, tu sais. C'est vrai. Dont un grand favori de GF, Road Fighter. Oui, qui est un genre de jeu d'auto là, à la Spy Hunter, mais sans les roquettes. Pas. Ouais, tu fais juste te faire ramasser par les roquettes. Exact, ton char pas bon. Est en métal lourd. Là. Puis je vais nommer un jeu très important. Bio Miracle, Bukote ou pas. Qui est A.K.A. Mario Baby. Voilà. Ici, non, ils ont piraté ce jeu-là. Ils ont appelé ça Mario Baby puis ils l'ont sorti ici. Donc, excellent platformer, que t'as un bébé avec un hochet qui fait gonfler les ennemis puis t'embarques dessus. Le fameux deuxième niveau que tu te promènes dans le gâteau puis tu manges du gâteau. Tout le monde en parle. Ah, c'est-tu le jeu, ça, qu'on mange du gâteau? Oui, c'est ça! Ce jeu-là était génial, c'était incroyable. C'est super bon! Sérieusement, là, pour moi, tu sais, le genre de platformer cute, le fun de NES, tu sais, il y a lui, puis Little Nemo de Dream Master. Genre, parfaitement... approprié pour des enfants, mais quand tu joues à ça, tu redeviens un enfant. Totalement. C'est vraiment des superbes jeux, ça. Bio Miracle Baby, il est comme un peu mythique, j'ai l'impression. Il est difficile à trouver. Puis moi, dans mon souvenir, quand j'étais jeune, je l'ai loué une fois, puis il a disparu du club vidéo après ça. Puis je ne l'ai plus jamais revu. Je me demandais si j'avais rêvé. Une descente de police. Ouais, peut-être. Non, mais pour vrai, c'est arrivé, ça. Il y a plein de monde qui m'ont dit, moi aussi, je pensais que c'était pas un vrai jeu, puis c'était un vrai jeu. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce jeu-là, mais. À un moment donné, pour vrai de vrai, Éric Saint-Cyr du CCJVQ m'a dit ça, comme la GRC a fait un move sur les marchés aux puces, puis toutes ces places-là, contre la contrefaçon de ces jeux vidéo-là, parce qu'il y en avait partout. Fait qu'ils en ont comme retiré plein. Parce que nous autres, Nick, on l'avait au Vidéo Choix, il était dans une petite cassette rose avec un ruban. Ben, c'est ça, c'est un ruban-là, c'est un adapteur 72 pins. C'était l'adapteur 72 pins. Parce que le card lui-même, c'est comme basé sur un jeu de Famicom, ça fait pas dans ton NES, fait que ça te prend un adapteur. Puis le ruban, c'est pour être capable de le sortir pour que ça reste pris dedans ton nest, tu sais. Ah non, t'avais pas le choix, sinon ça restait pogné avec le bout. Ouais. Ben non, il y avait des titres de même, dont Mario, Mario 3, qui était Mario 4, parce qu'on avait eu le Lost Level en pirate. Là, à l'époque, Mario Invisible, tu voyais juste, c'est Mario, mais il n'y a pas de Mario à l'écran. C'est comme juste dégueulasse. Il y avait eu ça, vraiment. Hein, ben, t'avançais, mais tu ne voyais pas ton sprite. Hey, t'étais-tu déçu, man? Ah ouais, mais en tout cas, il y a eu bien des affaires de ces jeux pirates-là. Mais ce jeu-là, en tout cas, si un jour vous mettez la main dessus, là, je sais qu'il vaut cher en plus, là, selon ce que tu me décrivais. Lequel, ça? Biomiracle. Biomiracle. Ben, je pourrais pas te dire pour la version japonaise, parce que je ne l'ai jamais magasiné. Okay. Vous irez voir, je joue le jeu. Il a fait un épisode complet là-dessus. C'est vrai. Donc, c'est très intéressant. Mais avant... c'est d'ailleurs Turtles in Time, toi, que tu as dans ton arcade. C'est Konami qui est responsable pour ça. Non, il a fait le jeu des Simpsons aussi. Oui, le jeu des Simpsons aussi. Le 4-player beat'em up. Tous les jeux de Little Enforcers, là, les arcades avec des bonhommes déguisés sur les côtés, là, que c'est super laid, super contrat, puis tout ça, là, c'est tout Konami, ça aussi, là, tu sais. Aïe, aïe. Puis avant de vous laisser enchaîner, je vois un dernier petit bout important pour l'histoire de Konami, Hideo Kojima. Oui. A quand même été très important pour Konami. Oui. En 1987, il a créé Metal Gear pour le MSX. Donc, en 88... Snatcher sur le MSX2, Sega CD, puis le PC Engine, qui est une espèce de jeu adventure cyberpunk. Mm-hmm. Un jeu très important qui vaut très cher aujourd'hui. On a parlé dans un épisode il y a quelques temps, celui-là. Ouais. On l'a nommé quelques fois. Ça, c'est un jeu important. Metal Gear 2, Solid Snake pour MSX2. Oui. Donc, pas Snake's Revenge au NES. La version NES et Snake's Revenge n'ont pas été endossées. Je tiens à parler. Okay. En fait, j'ai vu Kojima, quand j'étais au GDC à San Francisco, il y a une couple d'années, il parlait de Metal Gear, de la franchise. Et Kojima chie sur la version NES. Totalement. Il haït ce jeu-là. Il dit c'est de la merde. C'est jamais quelque chose que j'ai voulu faire. Ils l'ont fait, puis c'était pas bon. Puis lui, dans sa tête, en tout cas, c'est pas un vrai Metal Gear. Non, ça, c'est le seul que malheureusement, on a reçu le premier en Amérique du Nord. Mais lui, Kojima, n'endosse pas du tout ce jeu-là. Exact. Absolument. Puis encore moins la suite Snake's Revenge qui a été comme construite... dans le vide, là, sans aucune... sans s'inspirer de sa suite à lui. Ouais, tout à fait. Fait que les jeux NES, Metal Gear, c'est pas quelque chose qui porte dans son cœur. L'original, c'est au MSX, l'original Metal Gear. Mm-hmm. En 94, donc 4 années plus tard, Police Notes. Il y a la critique de ça sur notre site de... Mathieu Bennett a fait une très bonne critique là-dessus. Allez voir dans la section blog. C'est un genre de... C'est disponible au Saturn 3DO, PS1, sur PC probablement. C'est un genre de hommage à Little Weapon. Ouais. Où est-ce que t'es deux policiers. C'est comme une aventure policier, là, tu sais. Puis ça a l'air quand même assez cool comme jeu. Ça a l'air... Je pense que ça se regroupe un peu avec Snatcher, là, dans le même thème, là, tu sais. Police, aventure, tout ça. Ça, c'est cool. Et puis, pour finir, en 1998, le mythique Metal Gear Solid au PlayStation 1 qui a comme propulsé totalement les Metal Gear. Et la PS1 aussi. Et la PS1. Ils ont fait de la job de vente en tabarnouche. Puis Konami fait des paquets d'argent avec la série Metal Gear. Puis Hideo, il a fait aussi Zone of the Enders, qui est moi, le meilleur jeu de mec auquel j'ai joué, là, qui n'est pas vraiment un jeu de mec. J'ai jamais joué, quasiment ça. Moi, je trouve que c'est un très bon jeu, puis j'ai jamais compris pourquoi il avait jamais fait suite à ce jeu-là, parce que c'est vraiment bon, c'est vraiment très solide, là. Puis, bref, moi, j'ai trouvé que... Je trouve que c'est ça, présentement, Konami, on dirait que c'est terriblement concentré sur Metal Gear Solid, tu sais. Tout le reste est un peu mis dans l'ombre. Castlevania, il n'y a pas vraiment d'efforts. Pas satisfait de ce qu'ils font avec Castlevania. Dernièrement. Et Symphony of the Night, là, la dernière fois, c'est 2010 qu'ils ont joué ça. Ouais. Ben, moi, j'ai, l'original Symphony of the Night. Non, Lords of Shadow. Ah, Lords of Shadow, pardon. Ouais, Lords of Shadow, j'ai aimé ça. Oui, moi, j'étais un fan de la série. C'est quand même un bon jeu. Là, moi, j'ai trouvé ça très bon. Là. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve que du côté de Konami, c'est vraiment là, on pousse là-dessus, on pousse sur Metal Gear le plus possible. Silent Hill, c'est un peu comme... ils ont fait le remake HD qui était pas terrible. Mm-hmm. Puis là, c'est... Mais ça, Silent Hill, c'est une super franchise. Moi, en tout cas, le premier Silent Hill, PS1, là, jouait dans le noir. C'était tellement épeurant, ce jeu-là. Ça avait pas de sens. L'ambiance, tu sais, ta radio commençait à gricher. Ce qu'ils ont réussi à faire avec ce jeu-là, là, c'était incroyable. Puis les images d'horreur qu'ils nous donnaient, puis une horreur tout à fait japonaise. Que je pense que ce jeu-là aurait pas pu être créé en Amérique du Nord. C'était vraiment une espèce d'affaire bizarre. Il y a une espèce de bébé géant. Je pense que les bébés. Il y avait des bébés dans la version originale japonaise qui nous ont comme changé. Mais c'était tellement weird. C'était une ambiance là, de. Tu sais, quand la sirène part, puis c'est la nuit. Là, si vous n'avez jamais joué ce jeu-là, l'original, le 1 et le 2. De Silent Hill. Ah, vraiment, là. Ça, là, c'est des classiques incroyables. De jouer quand il fait noir, chez vous, tout seul, dans votre salon, là, vous allez voir là, que c'est un niveau de peur là, vraiment intéressant. Là, ce qui est fort, c'est que la version... Moi, j'ai rejoué la version PlayStation 1. C'est le premier Silent Hill. Puis même avec des polygones pourris et tout ça, qui ont mal vieilli, ça marche. C'est vraiment... Ils connaissaient la machine, puis ils ont vraiment fait quelque chose qui marche avec la machine. Puis il y avait tout le temps des angles de vue très intéressants. Ça ressemblait quasiment à du David Lynch à certains moments. C'était vraiment, vraiment fort. Puis là, il ressort Silent Hill. En fait, c'est quasiment un reboot avec Silent Hills, qui est d'ailleurs, je pense, Hideo Kojima est dans le projet aussi. Puis là, il y a P.T., c'est la dernière affaire qu'ils ont sorti, qui est dans le fond Playable Teaser, qui est gratuit sur PlayStation 4. Okay. Puis ça, Mario m'en a parlé de ça, je pense. Ouais, c'est freakant. Ouais. Ça, j'en ai parlé pendant une soirée. Chier dans ses culottes. Exact. C'est vraiment épeurant. Fait que, tu sais, de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est assez réussi. Puis j'espère qu'ils vont vraiment pousser ça. J'espère que le nouveau Silent Hill va être bon parce que, en fait, les derniers Silent Hill, ça n'a pas été terrible. Il y a eu comme plusieurs essais, mais ils ont été développés beaucoup par des studios, des third parties, en fait. Il y a même qui ont été faits en Amérique du Nord avec des studios comme plus ou moins connus. Ouais. Puis ça a donné des fois des résultats qui n'étaient peut-être pas 100% ce que Silent Hill était. Comme j'ai dit, c'est une espèce de... C'est une ambiance très horreur japonais. Pour ceux qui ont déjà vu des films d'horreur japonais, là, tu sais. Puis le fait que certains des titres, je pense que c'est Homecoming qui a été fait en Amérique du Nord. Ouais. Puis... c'était pas exactement la même touche de... Tu sais, puis c'est pas des mauvais studios, mais c'est juste la facture visuelle, puis mais c'était plus basé sur le gore, tu sais, puis... Ouais. Silent Hill ressemble plus à Fatal Frame dans un sens qu'aux autres jeux d'horreur qu'il y a sur console. C'est plus des... Tu sais, visuellement, c'est épeurant. Puis t'es pas... C'est pas dégueulasse. Non, mais c'est épeurant. Mais t'es pas capable. Ben, il y avait des... Je sais pas, l'infirmière... pour moi, c'est une scène très choquante, la façon dont elle bouge. Là, mais t'as raison, dans un sens où aussi, t'es comme... Les contrôles de ce jeu-là, c'est pas rapide, c'est lent. Non, non, non, c'est assez lent quand même. Fait que... Ça, c'était une franchise très importante. Reste à voir comment ils vont la faire évoluer. Là. Ben, j'espère que Silent Hills va réussir à comme rebooter ça bien raide. Là. Ouais, d'ailleurs, succès, moi, parlant de Silent Hills, si vous ne l'avez pas vu, là, écoutez le film, le premier, pas les autres. Toutes les autres, c'est de la vraie merde, mais le premier, il était vraiment bon. Il était vraiment bon, puis c'est mon meilleur film basé sur un jeu. J'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose qui dépassait ça, à mon avis. Qu'il est meilleur que Mario Brothers? Moi, c'était The Watchmen. Ah non, c'est pas un jeu, c'est un comic book. Ouais, c'est un comic book. Blague. Mario Brothers, c'est horrible. C'est dégueulasse. Faudrait faire ça à Retro Nouveau, là, on va sûrement travailler sur un top des pires films. Hey, c'est drôle, on en a fait un. On en a fait plusieurs fois, cette affaire-là. On en a fait un quand on a commencé. Mais il y a des nouveaux films qui ont sorti. Mais oui, faudrait. Il y a Doom, revenir. Entre autres. Là. Ouf. En tout cas. Hey, Doom, là. Là, on s'éloigne du sujet de Konami. En effet. Mais il y a une couple d'affaires intéressantes là, par rapport à Silent Hill, on en a parlé, tu sais. Moi, il y a deux aspects. Non, on va à l'opposé. Ben là, on va parler de... Konami, faut pas oublier que ça a été des pionniers des jeux de musique, OK? De tout ça. Dance Dance Revolution, c'était eux autres. Ça, là, si vous avez été dans les arcades, ben oui. Genre fin des années 90, ça marche au bout du 2000. J'ai toutes mes payes là-dedans, moi. OK, c'est ça. C'était huge, tu sais. Puis c'était comme des compétitions d'attitude de genre « Ah ouais, tu peux faire ça? » Logo embarque. Il y en a qui jouaient à deux tapis en même temps. C'était fou. Là. C'était à l'époque, l'air du temps était que ce jeu-là a été vraiment, vraiment huge. Ouais. Aussi, faut pas oublier que... Pas si longtemps que ça, quand même. Début 2000. Non, c'est ça. Ben, d'ailleurs, allez voir des YouTube de monde qui joue à Dance Dance dans les arcades. Là. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Là. Ah ouais. Il pousse des jambes, tu dis, il y a une troisième jambe à oui. quelque part, tu sais, puis c'est pas ça. Ça va qu'on... trop vite, moi je suis incapable. Le monde se tenait après les gens de barreau en arrière pour aller plus vite, pas tomber. Exactement, pour plus avoir à utiliser la gravité. Tu sais, ouais, exactement. Ouais. un des autres, je pense, un des apports les plus importants du jeu là, de musical, ça a été Guitar Freaks. Oh. Peut-être qu'il y a plein c'est de gens qui s'en rappellent. Je connais pas ça. Guitar Freaks, c'était le premier jeu avec une guitare, c'était en arcade, où tu peux faire des chansons. T'sais. Ça, là, ça l'a inspiré directement Guitar Hero. Puis Rock Band aussi. Ça puis Rock Band, mais de façon tout à fait directe, parce que Harmonix a travaillé sur la création du périphérique de guitare pour Konami dans le temps. Ils ont vu ça, ils ont dit « Hey, c'est cool, on va faire un jeu avec ça, nous autres ici, Guitar Hero. » Ils ont fait Guitar Hero Harmonix. Puis là, à un moment donné, il y a eu des acquisitions. Tu sais, Activision avait acquis Red Octane, qui était le publisher de tout ça. Mais là, Harmonix a été acheté par MTV. Puis là, ils ont fait Rock Band, qui était publié par EA. Une grosse histoire d'affaires de fou. Mais à la base, c'est Guitar Freaks qui a commencé ce mouvement-là. T'sais. Fait que, tu sais, il faut se rappeler de ça. Puis dans la même veine, ils ont aussi fait Drum Mania. Beat Mania aussi, qui est la même chose, je pense. C'est ça. Drum Mania, c'est ça. Ben, je le cherchais. OK, c'est ça. Mais parce que c'est à ça que je pense qu'il y a Beat Mania et Drum Mania, c'est la même chose, soit Japon puis Amérique du Nord. C'était vraiment un jeu de drum, vraiment complet, en arcade encore une fois. Puis tout ça a été repris là, par Rock Band, tu sais. Ouais. Puis ironiquement, ils ont fait un jeu de sur console de musique, le nom m'échappe, là, mais... Amplitude? Non. Il y a eu Frequency avant Amplitude? Non. En tout cas, ça a été un échec cuisant. Là, ils n'ont vraiment rien vendu. Puis malgré le fait que c'était eux les pionniers des jeux de musique, t'sais. Mais je pense qu'il y avait juste des covers là, dans leur truc. Mais tu parles de Guitar Freak. Guitar Freak est disponible au PlayStation 1 avec une petite guitare en plastique. Là. Je jouais au Weekend Gaming d'ailleurs. Le gars dans le coin à 3h du matin, c'était moi ça. La guitare est vraiment C'est tout ça qui avait amené ça. Carl Robert, quelqu'un de ce genre. Ouais, quelqu'un de même. Wow. Puis la différence avec Rock Band, 3 boutons au lieu de 5 pour les notes, mais c'est pas plus facile à 3 boutons. Je vous le dis tout de suite, là. Très difficile, Guitar Freak. Fait que ça a été leur touche vraiment. Tu sais, au niveau du jeu musical, là, ils ont laissé leur empreinte. Puis tu sais, c'est eux qui ont inspiré tout le mouvement qu'on a eu. Tu sais, le rise and fall de notre jeu musical des années 2000 à 2010. Ben, c'est pour ça revenir, ça va revenir. Amplitude va sortir. Amplitude, oui, c'est justement. Là, il reste Rocksmith qui est comme Ubisoft, mais dans une catégorie à part. Là, ils ont vraiment une catégorie à part. Ben, c'est bon, ben non, ça aide les gens. Tu peux jouer de la guitare pour vrai avec ça. Ouais. C'est vraiment un vrai instrument. Moi, là. Si ça, je veux apprendre Amiibo, à jouer de là. La guitare, là, je vais mettre un vinyle de méthode de guitare. Avec Wee Malmsteen. Je vais apprendre à jouer de la guitare tout seul. C'est correct. Hein? Non, mais... Non. Mais ça, je suis grognon, là, mais moi, personnellement, tu sais, en tout cas, je trouve que jouer de la guitare, pour vrai... Jouer à Guitar Hero, whatever, c'est un jeu, tu sais. Mais apprendre à jouer de la guitare, c'est comme... C'est noble, tu comprends? Ouais. Puis tu peux pas avoir un jeu vidéo qui te montre à être un guitariste, tu sais. Ben, tu sais, surpris, ben, je te dirais. Ouais, jouer à Rocksmith, là... Mais bon... pas facile. Ouais. C'est comme un prof virtuel. C'est le futur. Pas sûr de ça. Plus tu deviens bon, plus il te met des notes, là, c'est... Imagine Max Andrew... Mais qui te quelque chose, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que moi, en fait, j'ai suivi des cours de guitare, puis j'ai joué à Rocksmith, puis sérieusement, c'était quasiment plus fun, Rocksmith. Ben, c'est parce sûr que si t'as pogné ton cours de guitare sur Kijiji. Ah. Au moins, t'es pas obligé de faire provocante, tu sais. C'est ça. Tu fais les tunes qui te tentent, puis tu fais les bouts qui te tentent. Mais en tout cas, anyway. Nick, pour ton jeu de musique qui est planté, quelqu'un dans le chat suggère MTV Music Generator. C'est pas lui que j'avais en tête. Non? Je sais pas si c'est Konami. En fait, je pourrais le checker. Quand les autres vont parler, je vais checker. Okay. Ben, moi, je vais parler. Genre. Ben, vas-y. Ouais? Go. OK. J'y ai jamais joué à aucun de cette série-là, mais c'est genre le seul RPG que je connais de Konami. Suikoden. 1, 2, 3. Suikoden, sérieusement, moi, je connais le de nom, mais j'ai jamais joué à ça. Ben, il y en a deux au PlayStation 1, puis après ça, au PlayStation 2, je pense que ça se rend à 5. OK. Mais t'as-tu joué à ça, Nick? J'ai jamais joué à Suikoden, en fait. Puis c'est une référence. Personne n'a joué à ça. C'est une référence à RPG. Là, que, ben oui, c'est une grosse. C'est mon tout playlist. Là. Ben, c'est un classique. J'aime bien ouais. Comment ils disent. Ils se disent tout le temps Suikoden. Suikoden. C'est clair, hein? Mais cette série-là, fuck, je pensais que quelqu'un y avait joué. Désolé, les rétro nouveaux n'ont pas joué à Suikoden. Mais tu sais, le 2 au PlayStation 1, ouais. il vaut fucking cher, là, genre 150$. Colin. Mais ils vendent sur le PlayStation Network, tu peux jouer à ça sur ta Vita. Exact. Puis c'est je sais que c'est une série quand même assez culte dans oui. pour les amateurs de RPG. Là, c'est une oui, série oui. que les gens aiment beaucoup. J'ai pas d'autres RPG de Konami en tête, sérieux. Là. Non, moi non plus. Je sais pas en tout. J'en vois aucun. Y en a-tu vraiment? Je pense pas. Peut-être que le chat nous le dira, mais ouais. c'est la. C'est mais je pense pas qu'il y avait d'autres RPG. C'est pas. Même que Suikoden, c'est il ça, c'est Konami, vraiment... c'était pas RPG, tu sais, dans ma tête. Non. Là, puis c'est comme le seul qu'ils ont fait. Mais ils l'ont bien fait, en fait. Ils sont très action, en fait. Mm-hmm. Ils sont très action, puis... D'ailleurs, toi, as-tu parlé du jeu de soccer? Je ne sais plus si on a parlé en onde ou non, pas en non, non, on a parlé hors onde, mais faut en parler. PES. Ouais. Pro Evolution Soccer. Oui. Qui est probablement le plus gros jeu de Konami présentement, tu sais. Ça, c'est... C'est le plus gros, le deuxième plus gros vendeur jeu de football, de ouais. soccer au monde, après FIFA. FIFA qui est EA Sports. Mais dans le fond, ça, c'est une grosse, grosse source de revenus pour Konami. Il y a des versions annuelles, eux autres aussi. Ouais. Il y a un paquet de trucs comme monter ton équipe là, d'une façon secondaire. Mais ça, c'est huge. Puis ils ont vraiment, tu sais, ils ont un taux de pénétration très élevé. Beaucoup, tu sais, ils pognent bien en Europe. Au niveau de l'Asie, là, ça marche bien. Ouais. C'est un jeu, tu sais, en Amérique du Nord. Autant FIFA que PES, on n'est pas super exposé. Mais ça, c'est des succès internationaux. Ouais, on ouais. appelle ça des vaches à lait là, ouais. dans le milieu. Mais si soccer, c'est pas très populaire. Ben pas autant là, qu'un peu partout. Là, ouais. Je veux dire, je suis pas sûr que dans PES, il y a l'impact de Montréal non plus. Là, que, c'est tellement sûr. Compliqué le soccer. Mon fils joue au soccer l'été, il aime ça, tu sais, mais moi, je veux embarquer là-dedans. Ouais. Je vais essayer de comprendre les ligues, man. Non, moi, j'ai joué des années dans le soccer. Ah, les ligues. La MLS. Non, mais je parle pas du soccer pour les enfants, mais les professionnels. Ouais. En Europe. Ouais, non, c'est compliqué. En Amérique la Ligue du des Champions. Puis la Ligue mondiale. Ouais. Puis, fuck, man, je comprends rien. Là, ça pogne en Europe. Ils ont des stades de 90 000 personnes tout le temps plein. Là. Ah, non, je sais. Je sais. C'est incroyable. Mais j'aimerais ça mieux comprendre le système de ligue au soccer. Ouais. Tu sais, l'Inter de Milan, il joue contre l'Angleterre. Il joue contre l'Irlande, tu sais. Puis si est-ce qu'ils jouent contre l'Argentine des fois ou juste pendant les Coupes du Monde, tu sais? Ou pendant les Coupes du Monde, c'est la France, dans le fond. Fait que c'est un great asset de toutes les équipes françaises, dont l'Inter de Milan, puis whatever, tu sais, comme... C'est compliqué, là. Faudrait t'acheter PES. Non. je vais aller sur Internet. C'est aussi simple que ça. Non, sérieux, j'ai pas envie de m'embarquer là. Ça m'intéresse pas vraiment, le soccer, tu sais. Ah. Le football... Mais je comprends que c'est un sport très important mondialement. Ouais. Je chie pas là-dessus du tout. Moi, ça m'intéresse. Non, non, c'est assez important. Là. Rock j'ai retrouvé le nom du jeu de Konami de musique qui a floppé. Le nom là. Le plus générique ça, au monde. C'est total. Rock Revolution. Alors, ouais. Je pense que ce qui les a coulés complètement, c'est qu'ils sont sortis après Guitar Hero Rock Band ouais. et que ils ont avec. Ils offraient des reprises au lieu des titres originaux comme les autres. Ah oh boy. Alors c'est ça, ça les a tankés. Mais des reprises sous quelle forme, je veux dire? Non, mais ça, je veux dire, c'était pas l'artiste original qui faisait la chanson. Okay. C'est vraiment. Contrairement c'était n'importe qui ouais, chantait. C'est ça, hein? C'est comme toi, ben, t'interprètes provocante. Ouais. Ouais. Est-ce que je vais acheter ta chanson ou je vais aller ouais. acheter... Il y avait-tu, mettons, Back in Black, mettons, dans Guitar Hero, mais il l'avait aussi dans Rock Revolution, mais c'était un autre chanteur, tu sais. Genre, c'est ça, tu sais, c'était AC... Ouais. Il avait pas les droits. AC PD. Ah. Tu sais, puis ils font une version... c'est ça, il avait pas les droits. Ah, wesh. Mais ce jeu-là, en fait, ce qu'il disait, c'était tellement horrible que je pense qu'ils ont vendu juste 3000... copie initiale de... Alors, oh. C'est un horrible, horrible copie. Hey, j'ai vendu plus de cassettes qu'eux autres ici. Que ah. Fait que, ouais, non, t'as battu Rock Revolution. J'ai battu Rock Revolution. Je vois sur leur site aussi qu'ils ont fait récemment Star Wars Force Collection, qui est un jeu de cartes de Star Wars pour les mobiles. Ah. Fait que, tu sais, eux autres aussi... Moi, là, les jeux mobiles de gros labels que j'aime, comme Konami ou Capcom, là, je vais... Fâché, hein? Je suis pas fâché, ça... Ça va jamais m'intéresser. Mais non, mais c'est... Ah ouais, les téléphones... Faudrait bien qu'on en fasse, hein? Fait qu'ils en font. Mais quand t'es mais une compagnie publique... Mais c'est parce qu'ils font de l'argent. C'est ça. Quand t'es une compagnie publique, OK? Non, oui. C'est sûr qu'il y a un actionnaire qui va dire « Hey, pourquoi tu fais pas du mobile? C'est là qu'il faut que t'ailles. » Là, tu vas dire « OK, je vais faire du mobile. » T'as pas le choix. Là, les revenus sont, vont être là. Puis, techniquement, c'est triste à dire, mais mettons, dans 10 ans, on sait pas ça va être quoi le futur de la console portable. T'sais. Nintendo, il semble très bien installé. La Vita bas de l'aile un peu. On s'entend que je pense que le WonderSwan, c'est fini. Tout ça. Ah, Neo Geo Pocket. Neo Geo Pocket aussi. La Sega Nomad bat très fort dans mon cœur encore. Ah ouais, c'est une super console. Là, mais on s'entend que c'est pas vraiment ce qui l'avenir. Non, mais c'est pas pareil. On peut pas comparer les deux. T'sais. Non, mais je dis juste que les actionnaires font des pressions énormes là, pour aller vers ces... Ninja Gaiden, man, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, ça, mais la musique qui vient de partir. Mais c'est mais les compagnies n'ont pas le choix de se mettre sur les cellulaires pour la simple et unique raison, même si on est tous des grincheux qui veulent tout le temps que tout soit tout le temps sur console, tout le monde a un fucking téléphone. Fait qu'ils seraient fous de pas mettre le jeu là-dessus, tu sais. Fait que moi, je comprends quand ils font des jeux comme ça puis qu'ils les mettent dessus. C'est normal, là. J'arrête pas de couper les conversations, mais je regarde le iPad à Nick, là. Dans son mail, il y a 5216 messages non lus. Je sais que c'est tous des mails de fans. Tu devrais aller te suicider tout de suite. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre un à la fois. C'est ça. Ça, c'est ce qui arrive quand tu t'inscris à Groupon. Puis c'est ça. 5000 messages. Je pensais pas t'exposer ça au public. C'est comme, tu sais, j'ai Selector delete. Ouais. Fait que pour conclure sur Konami, on est-tu rendu à conclure? Ouais. Bon, oui, certainement. Ben, en fait, je sais pas quoi conclure. Mais moi, j'attends. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le nouveau Metal Gear Solid pour PS4 qui s'en vient. Donc, comment il s'appelle déjà? The Phantom Pain. Ouais. Ah, écoute, ça a l'air magnifique. Mais moi, j'ai acheté le. Le 4e, puis tu le fais pas. Je l'ai acheté au PlayStation 3, c'est lequel? C'est le 4, ça? C'est le 4. Je l'ai acheté usagé, je me suis dit, je vais le faire. Je peux pas, j'ai pas le temps. Mais j'ai passé T'as passé beaucoup de temps à écouter des cinématiques. Non, mais je l'ai même pas ouvert. Mais j'ai passé énormément de temps sur Sons of Liberty, tu sais, Metal Gear Solid 2, PlayStation 2. Celui-là, man, j'ai joué en malade. Snake Eater, ça m'a moins... J'ai pas accroché. Fait que... Mais là, je peux plus, là. C'est trop... C'est comme un RPG, ça, là. Moi, c'est bizarre. Le gameplay de Metal Gear, je suis pas capable. Moi, je suis capable. J'ai adoré le premier à cause de la vue avec la caméra. Tout ça, je trouvais que c'était parfait. Puis là, avec les nouveaux, de la manière que Snake bouge, on dirait vraiment que c'est... on dirait vraiment que c'est un Ken, comme Ken et Barbie, là, qui se promène, puis il est vraiment drette comme ça. Puis il bouge vraiment sec, puis il tourne sec, puis il se baisse sec. Je trouve que c'est pas organique. C'est pas organique, puis j'aime pas le fait que tu peux... que justement, tes ennemis sont tout autour, puis t'as vraiment besoin de penser à 360 degrés tout le temps, puis penser stealth. Puis ça, j'avoue que ça m'épuise de ben raide dans le jeu. C'est ça qui a eu raison de moi avec le temps. Moi, je vais attendre le prochain Castlevania. Ben, en fait, je ne l'attends pas parce qu'il va sortir sur PlayStation 4. Ça va être Lords of Shadow, whatever que je m'en crisse. Non, Lords of Shadow, mais c'est fini. Ils ont juste fait deux jeux. Pis... trois avec Mirror of Fate. Ouais, ils ont 3DS, fait trois. Ouais, c'est que vrai. J'ai pas détesté, moi, quand même. Non, non. Mais je l'ai même aimé. J'aime beaucoup la pochette aussi. C'est important. C'est encore important dans mon cœur. Il pensait que c'était mon meilleur jeu de la vie. Non, mais c'était un bon jeu. On parle de jeux récents de Konami. Ouais. Moi, c'est lui. Tu sais, j'en ai pas d'autres là, dans ma tête. Bon, mon meilleur jeu récent, c'est le deuxième Lords of Shadow. Que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Ouais. Mais j'attends, j'attends le retour d'un Castlevania 2D. Ben, tu sais, la 3DS, c'est une belle plateforme pour ça, là, tu sais, ou Vita. Ah, mais IGA, il est parti, man. Il en fera plus, là, tu sais. Harmony of Despair, anyway, c'était un échec, là. Ouais. Fait que là, il se part à Kickstarter, puis il va faire un autre jeu comme. Ouais. Qui va être comme Castlevania 2D, mais qui va s'appeler autrement. Ouais. Mais je pense que ça va être fini, man. C'est mais c'est parce qu'on a tellement eu aussi. J'ai l'impression qu'ils vont le ramener parce que Castlevania, c'est quand même une franchise qui fonctionne, là. Puis tu vas même sur le site de Konami, la première affaire que t'as en face, c'est Castlevania puis Metal Gear Solid. Okay. C'est les deux licences qui mettent de l'avant. Fait que, non, j'ai l'impression que ça va revenir, les 2D. De toute façon, Christy, il y en a tellement eu des Castlevania 2D, là, c'est incroyable. Fait que, une couple de 3D, c'est pas grave. Il y en a eu beaucoup de 3D. Il y en a eu pas mal, man, en 2D. Il y en a vraiment eu beaucoup. Au Game Boy Advance, il y en a eu 3. Ouais. Au DS, il y en a eu 3. Ouais. Au puis NES, il y en a eu 3. Ouais, au NES, ouais. Sur mais la dans 360, ce temps-là, le 3D, ça n'existait pas. Mais attends, 3D, au 64, il y en a eu 2. Ouais. Au PlayStation 2, il y en a eu 2. Ouais. Et puis là, au PlayStation 3, il y en a 2. Ben, de nos jours, là. Ouais. Puis, ça se ressemble. Ça se ressemble. Ah ouais. En tout cas. En tout cas, c'est bon parce qu'on est rasé. C'est toi, Jeff, qui a parti ça? Non, on est juste vraiment chanceux en ce moment. Bon, mais. Wow, la toune est comme dans le B. Bon, on est chanceux à soi. C'est fantastique. C'est génial. Quelque chose à rajouter? Il est en train de lire ses 2 millions de messages. C'est sur le site de Konami. Je regarde le site de Konami, puis tu sais, je pense qu'à part Phantom Pain que je vais regarder là, pour l'instant, tu sais. J'ai, tu sais, comme. Pas sûr qu'il y a grand chose d'autre. C'est Metal Gear All the Way. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Alors, ouais. Bon, ben, je suis curieux. Cool. All bon, right. Ben, on espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de, de meilleure qualité. Nouveau. Non, mais je voulais dire, avec la musique. Mais j'ai hâte de le réécouter. Là, on a comme la chienne en même temps, on sait pas. Là. Ouais. Peut-être qu'il y a des. Je suis confiant, là. Pis... On est très confiant. Tout le monde dans le chat m'a dit que c'était parfait en ce moment. Donc. Ah, merci. Merci. On espère que vous appréciez le travail. Notre formule. Parce qu'on veut rajouter d'autres affaires aussi, mais avant de rajouter d'autres affaires, on va être sûr de backer la base. Les bâtons de popsicle, c'est fini. On met du béton là-dedans. Exact. Fondation en béton. Voilà. Avant de mettre les cheerleaders puis les feux d'artifice. Exact. Ils sont commandés. On attend le paiement PayPal. PayPal. All right. Bon, ben, merci tout le monde. Merci. On se revoit dans deux semaines. Ouais, on se revoit dans deux semaines. All right. À la prochaine, tout le monde. Ciao. Bye bye. Retro Nouveau.